Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Épisode 34, le roman de silence. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. On vous retrouve après un été particulièrement chaud. La planète vient de faire un petit virage à angle droit. On se précipite dans l'automne et donc vous passez peut-être de la période où vous avez de la peine à dormir parce qu'il fait trop chaud. Et maintenant vous avez de la peine à dormir parce que vous êtes comme moi enrhumé. Eh bien, certains d'entre vous nous ont dit qu'ils écoutaient Rex Quondam, Rex Quae Futurus, nos longs récits, les méandres de nos narrations, pour s'endormir. Peut-être que c'est dans cette situation que vous nous écoutez maintenant. Et nous sommes très heureux de vous retrouver pour un épisode sur un roman qui a particulièrement attiré l'attention, on va dire. C'est un roman qui a... disons, lancer 1000 articles comme la face d'Hélène avait lancé 1000 Ships. C'est un roman qui est peut-être un des plus, disons, disproportionnellement discuté par rapport à sa... Disproportionnellement, je ne sais pas si on peut vraiment dire comme ça, mais qui, par rapport aux autres à d'autres romans, disons, équivalents, c'est clair qu'il a eu une postérité académique sans comme une mesure avec... on peut comparer, je sais pas, avec Le Chevalier aux deux épées, ou au roman de Fergus, ou au roman du Roi Hyder, ou à ce genre de choses. Pour dire qu'en plus, c'est même pas un roman arthurien à proprement parler, en fait. Il n'est pas arthurien, hein. on pourrait dire. Il s'inscrit dans ce même univers, mais c'est pas un roman du Roi Arthur, ou même de sa cour. Donc, il a une postérité assez impressionnante. Aussi parce qu'il a des liens plus directs avec la légende arthurienne par la présence de Merlin, on va le mentionner, mais aussi parce qu'il a des analogues arthuriens, faut bien le dire, dont on a déjà parlé. C'est clair, mais c'est vrai que pour un roman vu le nombre de manuscrits, c'est-à-dire qu'on a, je crois, un seul manuscrit, c'est un roman qui est très discuté. C'est-à-dire que si vous allez sur la page Arlima, qui sont les archives de littérature médiévale, littérature du Moyen-Âge, vous avez des pages qui répertorient des articles sur... Vous cherchez un roman, par exemple, la suite du roman de Merlin, on va vous dire voilà les éditions, voilà les traductions, dans quelle langue, et voilà des articles qui discutent différents aspects du roman. Et donc, si on prend par exemple la page des Merveilles de Rigomère, on trouve des titres du genre « Hospitalité étrange dans Geoffrey, les Merveilles de Rigomère »,« Notule lexicologique »,« Le fragment de Turin de Rigomère »,« Nouvelle perspective »,« Entre féerie et magie, la merveille dans Rigomère », donc des thèmes littéraires qui sont explorés comme ça. Mais le roman de Silence, il a une particularité, c'est qu'il parle d'un enfant, Silence, qui naît fille, mais pour des raisons d'héritage, ses parents vont l'élever comme un garçon et il va vivre comme garçon toute son existence. Et donc, du coup, vous pouvez imaginer que les gender studies se sont déchaînés et ont trouvé un sujet particulièrement enthousiasmant, surtout dans la littérature anglaise. Donc, les romances, les articles dessus ont des titres comme « Le nu et le vêtu dans le roman de Silence », métaphore de l'opposition entre nature et norture, travesti et transsexuel, id, silence, grisandole, blanchadine, qui parle justement de ces autres analogues arthuriens. Il y a un article qui parle justement d'un coup de foudre dans la recherche anglo-saxonne sur le roman de Silence, parce que c'est vraiment beaucoup des articles anglais. Idéologie de genre en compétition et les limites du langage dans le roman de Silence, Silence dans la chambre de couture, Baiser cette feuille, Queering rhetoric, donc c'est queer mais avec ing entre parenthèses. Alors là, les parenthèses, il y a un vrai bonus parenthèse pour ça. Arms and the woman, donc le woo de woman qui est entre parenthèses, donc le reste ça fait man. Dans les romances médiévales, les identités secrètes, masking gender ou unmasking gender, qui est entre parenthèses aussi, queering le genre et naturaliser la classe dans le roman de Silence, l'échange, l'identité et le travestisme dans le roman de Silence, est-ce que les déesses empouvoirent les femmes, le cas de Dame Nature, le garçon était une fille, lire le genre dans le roman de Silence, saper l'oppositionnalité, le roman de Silence, le débat de la nature et culture dans le roman de Silence, compliqué par les rimes d'appeler et de scellé, donc nommé, et caché. D'un autre côté, je pense que ça peut être parfois, disons, la surinterprétation de ce genre de roman, et puis d'essayer de chercher en quoi ça queer le genre, en quoi ça déconstruit ceci ou cela. Ça peut être un peu forcé, mais là, il faut admettre que c'est le sujet central du roman, quand même. C'est le sujet du roman. Bah, le roman de silence, parce que c'est du roman de silence, on l'a dit, hein, on l'a pas présenté avant de commencer à expliquer c'est sa postérité académique, mais oui, c'est un peu le sujet propre du récit. Moins que ce qu'on pourrait penser quand même, parce que c'est pas le roman est relativement peu intéressé par des questions pratiques qu'on pourrait se poser sur ce genre de choses. C'est vraiment plus une discussion philosophique, effectivement, justement, ce qui le rend assez propice finalement à cette recherche académique. C'est pas c'est pas un roman qui utilise ça de façon très prosaïque. Il y a deux trois considérations sur un homme qui se cache en femme qui se déguise en femme, ou en tout cas voilà comme le roman le présente. Par exemple, voilà. Non, ben, je pensais à la nonne, en fait, à la fin du récit. Il y a les moments, disons, où le roman approche ça sous les angles plus, disons, du travestissement. Sinistre, négatif, parce que le roman ne l'approche pas ça sous un angle extrêmement négatif, il faut bien le dire. Il préfère discuter philosophiquement du travestissement ou de la transition, on pourrait dire les deux, de silence. Par contre, il préfère parler de la nature, d'être élevé, est-ce que c'est légitime, qu'est-ce qui est le plus présent. Ces rôles-là, le roman est intéressé par la question des rôles genrés, par la question de l'éducation, par ce genre de choses, et du coup, ça le rend extrêmement propice parce qu'il a des longues tangentes avec la présence, l'incarnation de la nature et de la culture, enfin, nourriture en ancien français, ce qui est mieux traduit en anglais par nurture, la nourriture, en fait, on dirait aujourd'hui, mais c'est vraiment l'éducation. Comment tu es élevé plus que comme l'éducation, comment tu es cultivé, entre guillemets, en tant qu'être humain, plutôt que comment tu es par la nature, en fait. Et le roman s'y prête bien, du coup, c'est assez logique, effectivement, et aussi parce qu'il n'y a pas tendrement. Qui parlent de genre aussi ouvertement, ou en tout cas qui ont cette figure de travestissement de façon aussi centrale. Et c'est assez logique que du coup la critique queer se soit focalisée dessus, et beaucoup, beaucoup écrit dessus. C'est sûr que si on avait 3-4 romans comme ça, ça serait peut-être plus réparti, quoi. On aurait des articles un peu plus. La recherche aurait été peut-être plus. Divisé, mais en l'occurrence c'est un peu un point focal, donc c'est assez logique aussi qu'il y ait à la fois plus de recherches que sur beaucoup d'autres romans équivalents, et qu'elle soit très qu'elle entoure beaucoup ce texte, et c'est aussi possible que ça ait un effet qui décourage l'étude de ce roman sous d'autres angles. Je pense qu'il y a des trucs très intéressants à dire du point de vue, enfin je pense que ça, c'est fait, mais c'est rendu, c'est peut-être pas découragé, mais c'est rendu moins visible, ou en tout cas moins les gens pensent à un roman de silence, on doit parler de genre, alors qu'on pourrait s'intéresser, par exemple, moi, ce que je trouve intéressant dans ce roman, c'est vraiment le style de l'auteur aussi, qui est très, très particulier, qui est presque naturaliste par certains aspects, proto-naturaliste, que je trouve intéressant. Ça n'a pas forcément beaucoup à voir avec la question du genre de silence, par exemple, même si ça permet des explorations assez intéressantes, par exemple, des rôles genrés, notamment de ses parents. Y a tout on met du temps avant de rencontrer Silence, puis on va le voir, il y a toute la... Tout un prologue. Le prologue qui contient notamment la rencontre de ses parents et comment ils sont venus à être ensemble. Et il y a beaucoup de discussions sur le rôle de l'homme et de la femme, et comment finalement eux, ils détournent un peu ça parce qu'ils sont amoureux l'un de l'autre et ils se l'avouent, en fait, comme d'une façon très rom-com presque. Il y a vraiment des aspects aussi intéressants, mais je pense que du coup c'est peut-être un petit peu occulté par le fait que il y a la présence c'est vraiment l'exemple parfait de roman qui est bon à penser, comme tu dirais, toi, Laïs. Oui. C'est un des problèmes, c'est que tu dis, il y a la nature qui intervient, qui est personnifiée, donc il y a des dialogues où la nature parle et s'oppose à nurture qui est aussi personnifiée, donc il y a un côté très allégorique, mais en fait, la fonction de silence, c'est aussi d'illustrer une portée plus morale, c'est-à-dire qu'une des questions qui revient beaucoup, c'est qu'est-ce qui est le plus important, est-ce que c'est la nature des gens ou bien est-ce que c'est leur éducation, par exemple, dans le cas de gens qui seraient, immoraux. C'est-à-dire quelqu'un qui commet des actes criminels, est-ce que c'est parce que c'est inné chez lui ou bien est-ce que c'est l'éducation ? Et il y a cette question qui est que, en fait, l'éducation peut empirer les gens ou les améliorer. Et le roman ne va pas forcément prendre parti, mais il va présenter différentes options dans ces débats-là. C'est peut-être là qu'en fait, il s'en sert comme analogie plus que pour parler de gens. Alors, il en parle bien sûr sur le fait que Silence n'a pas forcément envie de faire des travaux de femmes, Silence préfère la position des hommes dans la société, il se rend compte que c'est quand même plus pratique. Il a aussi il réussit des prouesses physiques de chevalerie, il est extrêmement bon. Il a peur d'être découvert pour son anatomie. Enfin, on va parler de Silence au masculin parce que c'est ce que le roman fait aussi, donc c'est quand même le plus simple. Et... Donc il y a ces aspects, alors tu l'as dit, qui reviennent parfois, mais effectivement l'auteur a un souci un peu différent. Ouais, c'est pas quelque chose qui le, comme tu dis, hein, l'auteur est intéressé dans cette espèce d'histoire de garçon qui, comme moi, valet qui est méchine, il utilise comme phrase. En gros, le garçon, le valet, qui était mesquine en l'occurrence en ancien français, ça veut dire fille. Donc le garçon qui était fille en fait, ou le garçon, ouais, c'est vraiment cette présentation là est particulière parce que le roman, c'est un peu facile de le dire, mais oui, l'auteur queer littéralement dans cette approche là, il utilise une approche qui est pas celle de dire c'est un garçon, c'est une fille, il dit tout le temps le garçon qui est machine, il y a une contradiction interne dans cette phrase, donc l'auteur le fait directement, mais il le fait comme tu dis plus pour illustrer son point, son idée disons philosophique, plutôt que d'illustrer des questions de genre, en fait. Il s'intéresse pas tellement à Silence pour dire non, en fait, les filles peuvent faire ça aussi bien que les garçons. Ils disent est-ce que le plus important, c'est qu'il a été éduqué fille ou éduqué gars, ou qu'il est entre guillemets naturellement une fille, qu'il est né fille, ou qu'il a été élevé comme un garçon parce que, et d'ailleurs, la question du rôle genré se pose d'autant moins que Silence n'a pas de choix en la matière. Silence ne fait à aucun moment un coming out pour dire voilà, je suis un garçon, je voudrais être un garçon, je voudrais être considéré comme un garçon. Il dit simplement, on lui laisse pas ce choix. Il est élevé comme un garçon et du coup c'est ce qu'il est. C'est plutôt ces questions là quoi en fait, plus que des questions de genre, c'est des questions comme tu dis d'éducation et de naissance en fait. Il se rend compte qu'il a une particularité à l'adolescence, mais on lui explique que justement d'où son nom, il faut garder le silence là-dessus et que son héritage en dépend. C'est en fait l'histoire d'un royaume où les filles sont déshéritées et ne peuvent plus tenir de terre en héritage. Et donc, son père et sa mère décident de, quoi qu'il arrive quand leur enfant naît, de l'élever comme un garçon pour être sûr qu'ils aient un héritier, en fait. Donc, il n'y a pas une notion de choisir ça ou de le faire volontairement. C'est quelque chose qui est imposé. Et puis, il faut le dire, à la fin du roman, Silence rentre dans les clous et retrouve un rôle genré assez standard, finalement. Donc, il y a vraiment... c'est logique que ça fasse parler. Je pense qu'on peut dire assez clairement que c'est pas forcément la question centrale du roman pour son auteur, mais enfin, pour autant qu'on puisse le décerner, mais ça n'enlève pas moins la validité de ces approches parce que il y a clairement quelque chose là-dedans. Il y a clairement quelque chose d'un peu, disons, d'un peu différent, quoi, dans la façon dont Eldris, puisque c'est le nom dont on se présente l'auteur, approche les questions du rôle de l'homme et de la femme. Il y a quelque chose, une fluidité dans la façon dont il en parle, qui est intéressante à explorer. On peut pas dire ah oui non, Eldris pense clairement que Silence est une fille et que donc le fait qu'il en parle d'elle comme d'un garçon pendant tout le récit, c'est pas important. Au final, c'était toujours une fille. Non, il y a quelque chose de plus, je pense. On peut clairement dire que l'approche classique, on va en parler, hein, mais l'approche classique féministe de ce texte, c'était de dire Silence est une fille, elle est travestie en garçon pendant une partie du roman, mais c'est juste un moyen pour elle de résister au rôle genré, aux attentes qu'on a, etc. Et à la fin, elle est à la fois, elle peut retrouver sa vraie présentation de fille. Cette approche qui a été très populaire dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est clair qu'il manque quelque chose là-dedans quand on lit le récit, quoi. Oui, bah, comme je disais, c'est le sujet central du roman, c'est un enfant qui est élevé différemment de ce que son genre aurait dû être du genre qui aurait dû lui être normalement attribué à la naissance, et c'est la trame principale du roman, quoi. Donc c'est difficile de se dire bon, si y a un roman où on peut se déchaîner et faire ça, bon, c'est clair que s'il y avait autant d'articles de gender studies sur l'histoire de Geoffrey, on trouverait ça un petit peu bizarre. Là, c'est parfaitement justifié. Et puis il faut dire, en fait, là, on rejoint un peu des récits de travestissement, c'est-à-dire qu'il y a tout un genre de récits sur des femmes qui prennent un rôle d'homme. Généralement, c'est dans cette direction que le travestissement est plus accepté, même si déjà au Moyen-Âge, on trouve des exemples dans l'autre sens. Plus accepté même en termes de pure transformation, c'est-à-dire qu'on va avoir des récits un peu parfois miraculeux ou des récits de saints qui sont, qui étaient des femmes mais qui sont littéralement transformées en hommes. Donc ce genre de récits, on en trouve plus dans ce sens-là. Et là, il y a une intersection de la logique du roman de chevalerie avec celle de la logique des contes. C'est-à-dire qu'il y a un certain type de conte, et vous connaissez sûrement le conte, le Disney Mulan, mais en fait, c'est un type de conte, la fille soldat, qui est assez répandue, notamment en Europe, mais bien au-delà, où, parce que son frère est mort, parce que son père ne peut pas aller à la guerre, il y a une femme, une fille, qui va se travestir et puis partir à la guerre. Et c'est un type de conte qu'on trouve avec, chez Madame d'Aulnay, Belle Belle ou le Chevalier Fortuné, Mademoiselle l'héritier qui a Marmoison, et un anonyme, mais qui pourrait être Perrault, mais qui est probablement une collaboration entre Perrault et d'autres dames qui écrivent des contes. L'histoire du marquis-marquise de Banneville, où c'est en fait un garçon qui est travesti en femme, puis qui va tomber amoureux d'une femme qui est travestie en homme. Et bien sûr, ça prend souvent là un côté grivois qu'on va pas forcément avoir dans le roman de silence, mais ça se mêle beaucoup à des faits divers, en fait. C'est-à-dire qu'on va trouver sur Madame de Saint-Balmont ou Phyllis de la Charse, Christine de Mérac, qui était surnommée l'héroïne mousquetaire, ou Geneviève Prémois, qu'on appelait le chevalier Balthazar. Donc c'est des femmes qui se sont engagées militairement et soit qui avaient une attitude très garçonne, on va dire, soit carrément qui avaient une identité masculine. Dans un autre registre, Madame de la Guette, Anne de Vaux, donc à l'époque moderne, c'est quelque chose qui est pas si rare. Et puis il y a même une certaine Françoise Fidèle qui a été arrêtée à Paris, apparemment, je crois aussi début 18e siècle, et qui disait qu'elle était sage et qu'elle avait rien fait qui puisse blesser son honneur. Et puis elle disait même qu'elle n'était pas la première de sa famille qui se soit travestie pour servir dans une armée. Donc apparemment, là, il y avait même une tradition familiale. Donc c'est quelque chose qui a existé historiquement. Alors au Moyen-Âge, on ne sait pas trop, mais à l'époque moderne, en tout cas, ça a existé. Et du coup, il y a souvent une espèce de mélange entre le conte et le fait divers. Vous avez des clichés, par exemple la scène où elle est découverte pendant son bain, c'est-à-dire que pendant qu'elle est dénudée, quelqu'un va découvrir son anatomie. Il y a un registre très souvent grivois, il y a souvent une fin heureuse avec un retour à la normale et un mariage, donc ça c'est un peu la logique du conte. Vous prenez par exemple l'histoire de la dragonne en 1703, c'est un pamphlet sur Geneviève Prémois, donc il prend quelqu'un qui existe vraiment, mais qui reprend tous les clichés, tous les motifs du conte et qui les calque sur quelqu'un sur quelqu'un qui existe vraiment. Vous avez aussi par exemple La fille militaire ou Les amants provençaux de 1805, là c'est complètement un registre grivois et érotique sur une femme qui suit son amant à la guerre. Et La jeune fille soldat ou Les deux jumeaux, qui est un autre pamphlet du même genre, mais là c'est pendant la guerre de Crimée, donc ça dure assez longtemps cette tradition. Catherine Velay-Valentin parle de contes de pouvoir, c'est-à-dire que on peut dire le queering, la subversion, le brouillage des frontières, etc., mais pour elle c'est surtout un conte où la subversion, elle est maîtrisée. Puis donc à la fin, on finit par rentrer dans les clous. Et ça correspond assez bien au roman de silence, où il y a une interrogation, ça fluctue, on se pose des questions sur l'éducation, etc. Mais à la fin, il y a quand même, silence retrouve une identité féminine, et la situation normale est rétablie. Et donc c'est vrai que ça peut être intéressant de regarder aussi le roman de silence par rapport au fait que c'est un type de récit qui existe dans les contes de fées, les contes populaires, au-delà de ça. On va vous parler plus en détail du roman de silence, mais avant ça, on va peut-être faire une parenthèse sur l'actualité arthurienne. Il y a eu quelques sorties de livres arthuriens qui pourraient vous intéresser si vous écoutez cette émission. Tout d'abord, chez Gallimard, dans leur format, leur collection Quarto, donc qui est un peu comme la collection bouquin, donc des volumes très longs avec des grandes pages, un bon millier de pages en général, ils ont sorti un volume Les Chevaliers de la Table Ronde, romans arthuriens, qui est une compilation qui contient pas mal de choses qui sont intéressantes. Donc il y a beaucoup de livres, on va dire, connus que vous aurez peut-être déjà à double. Mais on a Culhwch ag Olwen traduit, ce qui est intéressant parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on trouve si facilement. L'histoire des rois de Bretagne de Geoffrey de Monmouth pour les parties arthuriennes, donc c'est un extrait. qui peut aussi être donc qui est aussi un texte fondateur. Yvain ou le chevalier au lion et Perceval ou le comte du Graal de Chrétien de Troyes, donc deux des grands classiques. Le roman du roi Hyder, alors ça c'est un peu plus je pense parce qu'ils avaient la traduction de Jean Maire sous la main, qu'elle n'était pas très répandue, on vous en avait déjà parlé dans notre épisode dessus. Et donc ils se sont dit c'est pas forcément une mauvaise idée de mettre un roman un peu moins connu pour varier. La quête du Saint Graal et la mort du roi Arthur, donc les deux grosses parties conclusives de du cycle du Lancelot Graal, avec quelques essais, une préface de Martin Aurel qui présente du coup la légende arthurienne un peu de long en large, un dictionnaire des principaux personnages de la littérature arthurienne qui peut être intéressant pour s'y retrouver, et le roi Arthur, un personnage éminemment politique de Martin Aurel de nouveau sur la dimension... comment il a pu être instrumentalisé, ça fait écho à des passages de son livre sur la légende arthurienne où il discutait déjà cette dimension, par exemple est-ce que les Plantagenets ont pu instrumentaliser Arthur. Et puis du coup, j'ai oublié de le dire, le dictionnaire des personnages de la littérature arthurienne est fait par Michel Pastoureau qui a aussi beaucoup écrit notamment sur l'héraldique. Chose notable, il y a des jolies illustrations, donc des peintures de Burne-Jones, des gravures de Aubrey Beardsley pour le Morte d'Arthur, qui servent à illustrer, qui sont en jolies couleurs et qui sont bien imprimées. Des extraits de manuscrits illustrés aussi. Un joli livre, je pense, qui risque de... Pour moi, il y a beaucoup de ces choses qui sont un peu à double, mais c'est vrai que, par exemple, Coulouch et Olwen, je n'avais pas d'édition, l'Historia Regum Britanniae non plus, le roman du roi Hyder non plus, donc bah, je l'ai quand même acquis. Voilà, donc si vous cherchez des compilations arthuriennes, je pense aussi, il faut dire, si vraiment vous débutez et que vous n'avez pas du tout, là, vous aurez quand même une bonne base, parce que vous avez le roman gallois de Coulouch et Olwen, qui, du coup, est probablement... un peu la couche la plus ancienne, c'est-à-dire que les plus vieux romans arthuriens qu'on a perdus, ils devaient ressembler à peu près à ça. L'Historia Regum Britanniae, on ne peut pas faire plus fondateur. Deux des plus importants romans de Chrétien de Troyes, aussi extrêmement importants. Le Lancelot Graal, bah c'est dommage qu'il n'y ait pas du tout le Lancelot, mais c'est clair que c'est la partie la plus longue et la plus longuette peut-être. Mais la moins arthurienne, entre guillemets, aussi par certains aspects. Si tu t'intéresses à voir un peu de la diversité des personnages arthuriens, c'est sûr que tu en verras peut-être un peu plus dans le... la caisse ou la mort, quoi. Mm-hmm. Tu auras peut-être les éléments phares qui seront peut-être un peu plus présents. C'est clair que c'est la partie, on va dire, la plus novatrice du Lancelot Graal, c'est-à-dire il y a moins d'aventures un peu amoureuses, arthuriennes, etc. Mais vous avez le ton religieux, le ton religieux particulier de la quest et le ton hyper dramatique de la mort Arthur. Le roman du roi Hyder, bon, ça c'est un peu... Il en faut un pour l'exemple, quoi. C'est, on a un roman isolé, on aurait pu prendre un peu n'importe quel autre. Mais ça vous donne un échantillon qui est quand même, je pense, pas mal pour débuter. Peut-être même un peu mieux que la légende arthurienne que j'aime toujours beaucoup chez Bouquin, mais qui a pas autant ce côté... Là, vous avez vraiment un carottage de la légende arthurienne qui est assez fidèle, en fait. Donc, pour offrir, pour lire, ça peut être... C'est assez représentatif, en fait. C'est assez représentatif, exactement. L'édition Bouquin, c'est quand même très, très... elle est chouette parce qu'elle a beaucoup de trucs un peu inédits, mais bon, le Père Lesvos ou le Chevalier au Papegaux, c'est peut-être pas les plus représentatifs, quoi. Non, c'est clair. Et puis, du côté de l'édition, il y a des textes dont on vous a déjà parlé qui sortent dans de nouvelles traductions. Par exemple, vous avez L'âtre périlleux qui sort dans une nouvelle édition bilingue chez Honoré Champion. Alors, je ne sais plus exactement ce qu'on avait dit, mais il me semble qu'il n'y avait pas encore d'édition bilingue. Donc là, vous avez une édition avec les vers en ancien français, la traduction en vis-à-vis, qui peut être du coup assez intéressant, qui peut être assez avantageux si vous voulez le lire et puis avoir quand même une idée du verbe original chez Honoré Champion. Et puis Daniel Buchinger, dont on avait déjà parlé pour ses traductions, notamment du Parzival, et je crois aussi, le Lancelet, mais en tout cas qui fait beaucoup de traductions de cette littérature arthurienne médiévale allemande, elle a traduit le Erec de Hartmann von Hau, qui est donc une adaptation du roman de Chrétien, mais avec quelques changements, qui peut du coup aussi être intéressant. Il me semble qu'on en avait brièvement parlé. On avait parlé d'Erec et Ewain, qui étaient les deux d'Hartmann von Hau, et puis après on avait aussi parlé un peu de Wigalois, le chevalier à la roue, oui. du drill médiéval allemand Wirnt de Graffenberg, qui était aussi une espèce un peu de bel inconnu en fait allemand, mais c'était un peu plus bref, hein, on n'en avait pas parlé en détail parce que on a surtout parlé du Lancelet qui était quand même très... Le Erec et le Ewain d'Hartmann sont quand même relativement fidèles par rapport au Lancelet qui est quand même très différent. du roman de Chrétien et même des romans ultérieurs, quoi. Et puis toujours édition, là c'est quelque chose qui par contre n'est pas encore sorti et qui nous interroge un petit peu, c'est est-ce que la malédiction du Tristan en prose se perpétue ? Vous vous rappelez qu'on avait parlé de l'édition compliquée de ce roman et on s'était félicité qu'un éditeur français choisisse enfin de publier une traduction qui peut avoir des problèmes comme toute traduction, mais enfin une traduction de bout en bout qui en était à son troisième tome sur cinq, c'est-à-dire que le tome 3, La Joyeuse Garde, était sorti en mars 2021. Généralement, ces volumes sortaient au printemps au rythme d'un par année. Aujourd'hui, nous attendons le tome 4, il n'est pas encore sorti, ça peut être un problème éditorial, ça peut être un problème de délai, ça peut être peut-être qu'il faut un peu plus de temps pour faire ce tome-ci, je ne sais pas, mais en tout cas, on l'attend encore et on commence à se dire, ce qu'on avait déjà évoqué plusieurs fois, que peut-être cette traduction n'arriverait pas non plus à son terme. Je vois en tout cas sur les sites des librairies en ligne, alors bien sûr ça vaut ce que ça vaut parce que c'est des données que les éditeurs envoient longtemps à l'avance et qui sont peut-être pas qui sont peut-être plus d'actualité ou qui vont être remplacées ou qui vont devoir être repoussées, surtout dans des moments de crise, notamment de pénurie de papier, qui est un problème assez régulier qu'on a, mais visiblement là il est censé paraître le mi-novembre 2022, de ce que je vois dans les stores en ligne, donc peut-être qu'on en entendra parler d'ici la fin de l'année 2022, mais le tome 4, la quête, ouais, c'est ça, le 10 novembre 2022, selon en tout cas. Alors peut-être il a été repoussé. Peut-être c'est l'exécutif aux éditions Anacharsis avec son cigare. Il regarde, il voit, non, il y a l'âtre périlleux. Et puis Eric de Hartmann von Hau qui sort, il faut qu'on repousse parce que le calendrier, il est complètement. Il est trop chargé, il y a trop de trucs à faire. Comme les exécutifs de films qui se disent, non, là, on va pas réussir à remplir des salles avec ça. Alors bon, le monde de l'édition est toujours compliqué aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ces maisons d'édition qui ne tournent pas sans financement extérieur, et donc c'est un des gros problèmes pour les livres un peu à public peut-être un peu plus confidentiel. Il faut trouver des subventions de la région, de l'État, de certaines organisations, on va dire académiques, pour que le livre soit à peu près rentable. C'est un peu compliqué. Là, il y a le pari d'en faire, de faire une publication littéraire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se destine seulement à un public spécialiste. Et ça peut aussi compliquer cette entreprise. Alors, c'est bon à savoir si ça vient plutôt en novembre. On vous en reparlera dès qu'on l'a. Mais on espère pouvoir justement continuer à lire les aventures de Tristan en français qu'on avait déjà lu, mais disons... C'était un peu une aventure en soi de trouver tous les livres. Et on vous tiendra au courant le cas échéant. On va commencer à vous parler du roman de Silence. Disons que dans les très grandes lignes, vous présentez déjà l'histoire. Il y a une querelle, on se trouve en Angleterre déjà, et il y a le roi Ebbin qui a décidé de priver toutes les femmes de leur héritage. Parce que les maris de deux sœurs jumelles sont entrés en conflit et ils ont fait un duel et ils se sont entretués. Parce que justement, il y avait deux sœurs jumelles et ils n'étaient pas au clair laquelle était l'aînée. Et donc, ils se battaient pour savoir lequel hériterait du patrimoine de leur famille. Un jour, Ebbin est attaqué par un dragon. Il y a un seul homme qui ose défier la bête et le terrasser. Il est soigné par une certaine Euphémie qui l'épouse peu après. Et il devient donc... Ce cador devient comte de Cornouailles et de ce mariage naît une fille, ce qui ne les arrange pas, donc ils la font passer pour un garçon et ils l'élèvent comme un garçon à une nourrice dans la forêt avec un sénéchal. Ben, c'est un peu le cas typique d'enfants élevés à l'écart. Et cet enfant va ensuite avoir de multiples aventures, s'enfuir avec des ménestrels et avoir une carrière aussi de musicien itinérant, de jongleur, puis revenir, disons, dans son royaume, entrer au service du roi Ebbin, avoir un scénario à la Potiphar où une femme essaye de s'emparer, essaye de le débaucher, mais bien sûr, Silence n'a pas envie d'être découvert, donc il ne peut même pas forcément céder à la tentation. Et après de multiples péripéties, enfin, Silence va être adoubé chevalier, aidé à mater une révolte de barons anglais, et puis Pour se débarrasser de lui, on va l'envoyer sur une quête impossible qui est de trouver Merlin, parce qu'on dit qu'aucun homme ne pourrait trouver Merlin. Eh bien, c'est ça l'astuce. Est-ce que Silence est vraiment un homme? Eh bien là, il y a quand même un sous-entendu que bon, c'est pas un homme comme les autres en tout cas. Silence, grâce à Merlin, va comment dire, mettre à jour une certaine supercherie qui fait penser à quelque chose, à un épisode dont on a déjà parlé dans la suite Vulgate, donc que vous connaissez peut-être si vous vous en souvenez. Et Silence finira par contre par revenir à un rôle féminin et épouser le roi, ce qui conclut le roman. Le roman est écrit par, alors c'est pas toujours le cas, mais souvent ces romans sont anonymes, mais là il est écrit par un certain maître Eldris de Cornouailles, qui fait notamment un prologue où il dit c'est très important de payer les poètes, il faut bien les payer, il faut pas être radin, et qui du coup se permet parfois des petites interventions et des commentaires. C'est très Seinfeld, je trouve vraiment c'est extrêmement... Ça, on dirait vraiment qu'il commence son truc par un bout de stand-up, il explique oh, people these days, they don't pay me as much as they should. Il y a vraiment ce côté, what's the deal with Paris not paying you as much as they should? What's the deal with gender? Non, c'est un peu ça. Il y a le côté. Par moment, il y a vraiment ces interruptions, ces asides qui font vraiment très stand-up, je trouve. Enfin, oui. C'est très what's the deal, justement. C'est ça qui est vraiment très drôle, je trouve. Après, c'est des choses qu'on trouve régulièrement. Hein. C'est des topos assez courants. Mais la façon dont il l'approche et son côté très. Alors, c'est aussi peut-être la traduction que je lisais. On va parler peut-être des éditions hein, et du manuscrit dans une minute. Mais la traduction que je lisais avait une approche très moderne. Alors, parfois, peut-être un peu trop quand même. Mais le texte est vraiment très matter of fact. En fait, il y a pas mal. Les digressions qu'il fait sont pas forcément toujours très poétiques. Et ont vraiment tendance à aller vers le platonique, justement, enfin le prosaïque. Et c'est rigolo parce que du coup, ça donne ce côté très vraiment premier degré par moment, dans le sens qu'il va vraiment être assez cash, quoi. Oui. Donc il y a cet effet-là un peu de personnification de l'auteur qui est assez, assez fort. Après, bon, savoir si c'est vraiment un Eldris de Cornouailles qui l'a écrit, sachant que l'histoire se passe en Cornouailles, on peut penser que c'est aussi simplement un topos, justement, du censé attester, parce que bien sûr, c'est des textes qui sont faits pour être lus, donc c'est peut-être l'idée vraiment, voilà. Moi, je suis là pour vous présenter cette histoire qui a été écrite par un type qui connaissait bien cette histoire et c'est un auteur, c'est une attribution probablement fictive d'ailleurs, hein, mais dont on peut penser qu'elle est fictive. Ouais. En tout cas. Bah comme tu dis, c'est pas si, enfin ça fait partie des topos et des clichés du genre, c'est-à-dire de dire voilà un roman placé à l'époque arthurienne. À l'époque, les chevaliers c'était quelque chose, ils étaient bons, nobles, etc. Aujourd'hui, bien sûr, c'est plus la même chose. Donc par exemple, quand on parle des combats, on dira à l'époque tout le monde se battait en combat singulier un contre un, personne se battait à plusieurs sur un. Mais aujourd'hui, bien sûr, les brigands le font, etc. Donc c'est un topos qu'on trouve aussi. À l'époque, les gens faisaient, donc il y a un peu un côté âge d'or. C'est quelque chose qui revient régulièrement un peu dans son portrait de cette époque et comment il la compare à l'actualité. Comme tu dis, peut-être un mot d'abord sur les éditions. Moi, le manuscrit peut-être que d'abord. Alors le manuscrit, donc un manuscrit unique, il faut bien le dire. Alors ça va aller vite, c'est un manuscrit qui est conservé à la librairie de l'université de Nottingham. Ça recouvre une trentaine, un peu plus de folios. Il est conservé dans ce manuscrit avec le roman de Troie de Benoît de Saint-Maur, qui est donc une adaptation de la matière de Troie, donc la guerre de Troie. Illégal rond de Gauthier d'Arras, la chanson d'Apremont, une chanson de geste qui cette fois est rattachée au cycle de Charlemagne, pardon. Une partie du roman d'Alexandre, donc ce roman extrêmement populaire au Moyen-Âge, de la légende, des légendes attribuées à Alexandre le Grand, qui a des analogues en Orient, etc., mais qui est assez importante à cette époque. La vengeance Raguidel, dont vous avez déjà parlé, donc il y a quand même un autre roman arthurien, et des fabliaux de Gauthier Leleu. Donc c'est un peu un, je vais pas dire un pot pourri, mais vous avez quand même un bon panorama du roman médiéval, quoi. Vous avez de la matière romaine, carolingienne, arthurienne, antique avec le roman d'Alexandre, et puis des fabliaux. Donc quand même, ça dépend un peu des manuscrits, mais c'est pas non plus inhabituel. Peut-être un mot du coup sur les éditions. Alors moi je l'ai lu en français, je crois que le plus simple ce sera de lire un autre recueil chez Robert Laffont dans leur collection bouquins. C'est Récits d'amour et de chevalerie 12e-15e siècle. Je l'ai acquis en fait presque uniquement pour le roman de Silence. Il y a aussi le roman de Durmart le Gallois dedans qui est, dont on vous parlera certainement un de ces jours, qui est aussi arthurien, mais le reste, ce sont des romans d'amour médiévaux, mais qui ne touchent pas à la légende du roi Arthur. Et comme je suis un petit peu monomaniaque, j'ai de la peine à le lire si ça parle pas, d'Arthur. Ça m'intéresse moins, ça fait moins de connexion à ce que je connais. Mais du coup, c'est une traduction en français par Florence Boucher qui, comme tu le dis, va un peu souligner le côté terre-à-terre du texte, peut-être un peu moins que dans ta traduction, mais ouais, c'est parce que moi j'ai lu, je sais pas à quel point c'était, parce que tu étais en prose ou en vers là c'est en prose, alors moi j'ai en prose. Donc il y a eu quelques éditions, moi j'ai lu la traduction et édition de Sarah Rochemardy qui date de 92 et qui a été republiée en 2007 auprès de l'Université d'État du Michigan, pas l'Université du Michigan, c'est pas la même université. Et pour le coup, c'est une traduction effectivement en vers, donc elle garde la structure en vers, qui est peut-être un peu laborieux à lire si vous voulez lire vite, mais qui est remarquablement, voilà, qui modernise beaucoup, parfois presque un peu trop, je pense, mais qui a l'avantage de rendre la lecture quand même relativement fluide, du coup, parce qu'on comprend tout de suite une certaine... Ça donne tout de suite un ton et on passe pas beaucoup de temps à interpréter, mais je sais pas à quel point ça reflète vraiment... Moi, je suis pas un expert en vieux français, mais c'est vrai qu'en regardant la version d'ancien français, j'ai la tendance à dire un peu, ouais, j'aurais peut-être pas fait ce choix-là, si je comprends bien ce que ça veut dire ici, mais faut dire aussi qu'elle est assez intéressante, parce que c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est vraiment une des dernières vogues de cette critique féministe, disons, un des derniers reflux de cette critique féministe... de la fin du 20e siècle, parce que c'est bien simple, j'ai regardé, j'ai une édition numérique, j'ai CTRL F, et puis j'ai fait trans, et c'est tout transvestite, il y a quasi aucune, la seule occurrence du mot queer dans l'édition, le commentaire, les notes, etc., c'est une utilisation du mot queer comme insulte dans la traduction. Dans la traduction en anglais, c'est pas du tout un commentaire. Un commentaire. Elle l'utilise pour traduire. C'était quelle ligne? 3935. Donc c'est le terme pour inverti. Hérétique. Elle l'utilise pour traduire hérétique. Hérité, voilà. Qui veut dire en fait ici sodomite en fait. C'est hérétique et sodomite, c'est vu comme dans le texte, c'est utilisé à peu près interchangeablement pour dire en fait homosexuel quoi. Ouais. Et elle utilise queer pour traduire ça. I'm sure et encore elle utilise un queer et queer. Donc c'est vraiment dans le sens vraiment insulte. Donc c'est assez particulier quoi. On sent que l'édition elle-même est datée quoi. Ouais. Alors après le texte à part ces choses-là, c'est pas trop. Elle suit l'usage d'Eldris, donc il n'y a pas de changement particulier, mais le fait que l'édition ne mentionne pas vraiment ces questions-là m'intéresse surtout pour quelque chose qui a été réimprimé en 2007, qui n'a pas du tout été mis à jour visiblement. Donc c'est la principale édition disponible en anglais. Sinon, il y a une édition en français qui doit paraître bientôt, mais en ancien français du coup, par Daniel James Raoul chez Champion, donc peut-être qu'il y aura du coup après une traduction, ce serait quand même... assez utile qu'il y ait une traduction, disons, en français, parce que c'est quand même un texte, disons, en dehors du récit du volume bouquin, quoi, parce que c'est quand même un texte assez, assez essentiel dans les études arthuriennes aujourd'hui, en tout cas, on en parle beaucoup, donc ce serait quand même pas mal qu'il soit un peu plus accessible en français. Vu le contexte, c'est probablement... Si vous cherchez s'il y a une traduction qui aura une introduction polémique en légende arthurienne, vu le contexte actuel... Il y a des chances qu'il faille lorgner de ce côté-là. Voilà, mais du coup... En bien ou en mal. J'étais un peu surpris que ma traduction ne le mentionne pas du tout. D'autant qu'elle date de 92, donc c'est pas non plus comme si on parlait d'un truc, d'un passé extrêmement lointain, où ce serait une approche absolument pas mentionnée, mais enfin, en 92, je pense qu'on écrivait déjà sur silence. Alors peut-être qu'avec justement la critique féministe des années 90, il y a un peu aussi des, on va dire, des guerres de chapelle... Peut-être qu'il y a des gens... Alors, c'est probablement ça. Hein. Des gens qui, justement, sont très opposés à la queertherie. Comme nous, d'ailleurs, nous ne cautionnons pas cette importation de concepts américains. Ici, on parle de théorie bougre, s'il vous plaît. Non, bref, il y a ce côté vraiment, voilà, lisez le texte pour ce qu'il est. Mais c'est un problème aussi que ces traductions qui ont tendance à un peu presque trop à moderniser. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, une traduction... contemporaine prendre une approche qui utiliserait autant de termes clairement modernes en fait de formulations surtout les tournures de phrases qui sont très modernes par moment c'est qui va parfois la traduction que j'ai lue va parfois t'as des moments où t'as des moments très très Ouais, t'as vraiment l'impression de ah, are you trying to jack up the price, comme tu dis, elle essaie de m'arnaquer en gros. Ouais. Et puis après t'as une phrase comme the licentious desires of the queen, tu vois, les ouais. désirs, les sciences. C'est un peu d'un côté ouais. Alors après le l'ancien français, t'as du parla malpeste et puis du voilà, c'est un peu ça, du très colloquial. Ouais. Mais alors après l'ancien français s'y prête aussi parce que c'est une langue qui est extrêmement synthétique comparée au français moderne. Et du coup, c'est ironique, mais je trouve que l'ancien français se traduit très bien en anglais. Et j'ai toujours, je trouve toujours les traductions d'anglais un peu, souvent assez intelligentes parce qu'elles font usage de mots en anglais qu'on n'aurait pas ou de raccourcis qu'on n'aurait pas forcément en français. Donc après, ça s'y prête, mais c'est vrai que le ton au final est un peu parfois déstabilisant, quoi. Donc on va commencer à vous présenter le roman un peu plus linéairement et puis essayer aussi de présenter un peu les liens avec la légende arthurienne et puis d'autres récits qu'on a déjà vu ou qui sont aussi des inspirations plus anciennes. Je pense, juste un dernier mot sur ma traduction, c'est que parfois, je pense que la traduction bouquin peut faire peut-être l'inverse. Par exemple, traduire « hérité » par « inverti », c'est légitime, ça renvoie un peu à la dimension que « inverti » pourrait avoir, mais simplement, c'est un terme qui n'est plus vraiment utilisé aujourd'hui. Et si on voulait vraiment traduire l'esprit du texte, probablement qu'il faudrait utiliser quelque chose de plus insultant ou de vulgaire, justement. Mais c'est quelque chose qui est difficile à... Peut-être qu'il vaut mieux dire « inverti », mettre une note de bas de page, expliquer. Mais c'est clair que ça enlève un peu le punch de ce que ce vers devait représenter à l'époque, quoi. Par moment, je dis du mal de la traduction. Je dis un peu de mal à la traduction, mais il faut dire qu'elle est relativement... lisible de ce point de vue-là, parce qu'on c'est transparent sans être trop... Enfin, on comprend que c'est vu comme une insulte, mais c'est sûr que la position du mot queer, par exemple, aujourd'hui, n'est pas du tout la même que dans les années 90. Et je pense que ça devait être plus violent de lire ça. Ça a pu être plus violent de lire ça en 92 qu'aujourd'hui. Mais enfin, je ne suis pas en position de dire si c'est vraiment... si c'est super insultant aujourd'hui ou non, surtout avec ce ton-là. Mais alors après, c'est clair que c'est mis dans la bouche d'un personnage qui est clairement négatif. D'ailleurs, un truc dont on n'a pas mentionné, c'est que on parle là des termes homophobes, disons, utilisés par le récit, qui sont quasiment toujours dans la bouche de la reine, hein, qui est un personnage négatif. On n'utilise pas ça du tout pour approcher... c'est pas des descriptifs qui sont réellement appliqués à Silence. Par contre, le texte est extrêmement misogyne. On n'a pas beaucoup dit, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais faut bien le mentionner faut bien l'avoir à l'esprit quand on va vous parler de ce texte, parce que, en fait, être femme est vue comme très négatif par Eldris. C'est quelque chose qui est assez... ouais, la femme est vue comme un être un peu incomplet, elle est vue comme... quelqu'un qui a des désirs plus bas, qui est plus, c'est il dit à un moment, ah oui, il vaut mieux dire du bien des femmes qui font du bien que du mal des femmes qui font mal, parce que c'est normal que les femmes soient un peu nulles, parce qu'elles sont, elles ont pas le talent naturel des hommes, donc quand elles font du bien, c'est extrêmement mieux, parce qu'elles doivent faire plus d'efforts. Il y a vraiment ce côté très très misogyne qu'il faut garder à l'esprit, parce que quand Silence est valorisé par ses, disons, ses caractères masculins, c'est aussi vu comme une façon simplement de ne pas être une femme, en fait, comme les autres. Il y a ce côté vraiment très, très... c'est pas tant qu'elle dépasse le rôle qui lui est assigné qu'elle a des caractéristiques positives qui, pour une femme, sont aussi des caractéristiques masculines, en fait. C'est un peu une vision médiévale de la chose qui est un peu différente de ce qu'on aurait plus tard, et du coup, c'est parfois un peu difficile à saisir. Mais décrire une femme avec des traits masculins, c'est souvent vu comme positif au Moyen-Âge, parce que les traits masculins sont simplement vus comme meilleurs, et c'est pas tellement vu comme une femme qui dépasse son rôle genré ou qui outrepasse son rôle genré, c'est simplement une femme qui a des bonnes qualités, en fait. Et du coup, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est pas simplement il y a pas ce côté du rôle genré est pas forcément présent, c'est plutôt une question des qualités, des défauts, des genres qui sont là, en fait. Et ça c'est quelque chose qui, bien sûr, n'existe plus à notre époque et que nous avons complètement transcendé. Le récit commence, nous explique qu'on est bien dans le même monde que Arthur, mais qu'on va pas se concentrer dessus. On se concentre déjà sur Ebbin d'Angleterre. Alors, c'est pas très clair quelle terre il a. C'est un roi qui est second en importance après Arthur. Donc, Arthur est plus important, mais là, on est quand même dans du beau gratin. Il faut comprendre aussi que ça se passe après Arthur, si on comprend bien la chronologie de la chose. C'est-à-dire qu'on a un roi de France qui est suzerain du roi d'Angleterre. Ça, c'est une réalité à l'époque aussi, au XIIIe siècle, hein, parce que le roman date du XIIIe siècle. Hein, faut bien le dire, on ne l'a pas mentionné, mais c'est un roman du XIIIe siècle. Ce que je voulais dire, c'est qu'à la fin, on a un petit passage où Silence, qui est donc en Cornouailles, enfin, qui est fille/fils du duc et de la duchesse de Cornouailles, elle est donc descendante de Gorlet, et elle parle à Merlin de ça. Donc, on peut comprendre que ça s'est passé une ou deux générations plus tôt, quoi. Donc, enfin, même trop. probablement 3 générations au moins plus tôt. Donc c'est, on est dans cette espèce d'époque post-arthurienne en fait. Bah pour une fois, on a une connexion à la, on va dire à Gorlet de Cornouailles, alors que par exemple avec la légende de Tristan, on avait le problème de quel est le lien de Marc et de Gorlet qui était jamais vraiment explicité. Là, par contre, on se connecte explicitement à ça. Donc c'est quelqu'un qui connaît quand même, on va dire, le lore arthurien de ce côté-là. Ouais. Un aspect, comme tu l'as dit, de cette position, c'est la géopolitique, on va dire, de l'époque, qui se reflète probablement dans les relations qu'il met entre ces différents souverains. Mais il s'inspire aussi, encore une fois, de ces motifs classiques. L'histoire à Régum Britanniae, vous vous rappelez que Arthur étendait son empire extrêmement largement, notamment vers la Scandinavie. Et là, on a un écho de ça avec Ebbin d'Angleterre qui se lance en guerre contre le roi Beg de Norvège pour un piètre motif. La guerre ravage bientôt la Norvège, la campagne elle est saccagée. Et pour arrêter tout ça, les barons décident de marier Ebbin à Euphème, la fille du roi Beg. Les noces durèrent 12 mois, car à l'époque, là on a un petit moment de stand-up de l'auteur, les avares, que de nouveau il nous dit c'est terrible les avares qui donnent pas d'argent, etc., n'avaient pas encore mis fin à la coutume de faire des mariages qui duraient un an, on pouvait vraiment faire bombance alors qu'aujourd'hui tout le monde est pingre. Ceci étant dit, on enchaîne, alors ça n'a pas de rapport direct avec l'histoire qui va nous occuper, mais dans ce royaume, il y a 2 comtes qui ont épousé 2 sœurs jumelles, et comme on vous l'a dit, ils ne sont pas d'accord sur laquelle est vraiment l'aînée qui hériterait du domaine de leur famille. Et comme ils sont incapables de s'entendre sur un compromis, ils vont régler ça dans un duel, ils s'entretuent, ils meurent les deux, et tout le monde est terriblement triste, tout le monde est affligé par cette perte humaine, cette perte humaine sans résultat. Et le roi Ebbin décide donc que pour éviter ça, les femmes ne pourront plus hériter, ce qui devrait permettre de régler le problème. Alors, c'est un peu une logique, on voit un peu cette logique de conte, c'est-à-dire, vous pensez, voilà, on pense un peu, vous savez, on va voir après un interdit aussi très, très extensif qui fait un peu penser, on va dire, à la Belle au Bois dormant, c'est-à-dire, elle va se piquer avec un rouet, donc on interdit les rouets. Là, plus tard, on va avoir une interdiction des ménestrels sur les terres. Sur les terres de Cador, là on voit une espèce d'interdiction générale parce que en fait on voit pas logiquement, je veux dire, s'il y a des jumeaux masculins, ça pourrait poser exactement le même problème en fait. C'est presque plus un prétexte qu'autre chose, et ça, d'ailleurs les jumelles en question n'interviennent plus dans l'histoire après. C'est vraiment il fallait un incident, disons, originel. C'est même pas un reflet d'un motif existant particulièrement, je trouve. C'est chez les jumelles, c'est simplement un prétexte assez élégant, quoi. Enfin, élégant, si vous le trouvez ça élégant, mais c'est un prétexte relativement simple, quoi. Donc, la reine, le roi décrète que, voilà, il n'y aura plus de femmes qui pourront hériter, ce qui était le cas encore jusque-là. Peut-être aussi reflète un état à l'époque. On n'est pas encore à l'époque de la loi salique qui est invoquée comme raison pour laquelle les femmes ne peuvent pas hériter du trône de France, mais on a clairement, à l'époque déjà, il y a eu des conflits avec des reines qui voulaient prendre le pouvoir. On pense à la reine Mathilde en Angleterre. Donc, c'est pas forcément quelque chose de complètement inédit, hein, une femme qui hérite, évidemment. Après cet incident, qui établit ce duel maudit, on a le roi Ebbin qui est attaqué par un dragon qui crache du feu et du venin. Il est à la chasse, et le dragon est vraiment très méchant, il tue des gens. Et Ebbin décide de promettre, classique, toute la personne qui tue le dragon pourra avoir pour épouse n'importe quelle fille du royaume qui est libre. Et donc, évidemment, le héros qui passe par là, qui s'appelle Cador, donc un nom assez typiquement... c'est vraiment, ça fait très très... aujourd'hui, ça fait très nom de chien, évidemment, un peu... Ou Acadoc, mais c'est un nom d'un duc de Cornouailles. Mais c'est un des successeurs d'Arthur, il me semble, dans l'Historia Regum Britanniae, si je me souviens bien. Dans les derniers rois bretons. Enfin, ouais. C'est le père de Constantin, qui est le successeur d'Arthur dans l'Historia Regum Britanniae. Voilà. Donc c'est un cousin. Et selon donc le Brut de Tisilio, donc qui est une réinterprétation aussi de cette histoire, mais galloise. Donc c'est un peu l'équivalent du roman de Brut, mais au Pays de Galles, précise que Cador était fils de Gorlois, et donc était en fait un demi-frère d'Arthur. Alors là, en l'occurrence, ça semble pas être le cas, mais on a un Cadur, enfin c'est un nom celte, Cadur en gallois. Il y a des Cadbury, on a des il y a un roi du Mnonia, donc le l'actuel Devon et Cornouailles, qui s'appelait Gerenz, qui aurait eu un nom appelé Cador. Bref, c'est un nom assez logique pour quelqu'un qui va hériter d'une position au Pays de Galles. Il n'est pas duc de Galles à ce moment-là, mais il va, après avoir donc vaincu ce dragon, dont il était le seul à être assez courageux, il va tomber amoureux de Euphémie. Donc on a beaucoup d'Euphémie. Je crois que c'est même le seul nom féminin qu'on a dans, à part. Il y a Euphème et Euphémie, mais même le scribe se trompe à un moment, en fait. Et puis il y a encore une autre reine Euphémie, parce que c'est pas le nom de la reine de... Ouais, c'est ça, c'est le nom de la reine des bains. La femme du roi Ébain s'appelle Euphème, et puis Euphémie, c'est la fille de Renaud de Cornouailles. C'est ça, c'est celle qu'on va. Donc il était amoureux d'Euphémie, la fille de Renaud de Cornouailles, ce qui est très drôle, parce que Renaud, pour le coup, ça, c'est vraiment un nom très. C'est un nom assez germanique, pour le coup, très franc. Et donc, il va. Le dragon est trop repu de chair humaine, et il va être relativement facile à battre, mais il va quand même réussir à infecter un peu Cador, qui est quand même pas en très bonne forme. Donc en gros il y a toute une aventure ensuite, parce que Euphémie est amoureuse de lui aussi, elle est convoquée pour le soigner parce qu'elle est c'est la meilleure médecin du royaume, et il y a donc ce long passage où très rom-com, où en fait les deux sont sûrs que l'autre en veut pas d'eux et qu'ils sont désespérés parce que le roi a promis à Cador qu'il pourrait choisir n'importe quelle fille, donc Euphémie se dit ça sera pas moi. Et puis après, quand Cador est à l'article de la mort parce que le dragon lui a respiré trop fort dessus et que du coup il est empoisonné, le roi promet à Euphémie, si elle le soigne, de pouvoir choisir n'importe quel homme pour se marier. Et du coup, une fois qu'il apprend ça, Cador dit elle va pas me choisir moi. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, le roi est un peu embêté parce qu'il se dit je leur ai fait des beaux cadeaux, mais ça serait quand même bien qu'ils se marient les deux, parce qu'ils sont bien compatibles. Et puis du coup, il dit à ses conseillers, vous voulez pas aller leur dire, leur suggérer ça, parce que ça serait quand même bien, mais bon, d'un côté, s'ils refusent, je peux pas les forcer, parce que je leur ai promis n'importe qui. Donc, il y a ce côté vraiment très, très, très ironique, parce qu'on, bien sûr, on sait qu'ils vont tomber amoureux, et finalement, le conseiller les voit ensemble. Et en fait, entre-temps, ils ont découvert qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Il y a un moment où on dit « Non, toi d'abord, non, moi d'abord », puis ils finissent par juste s'embrasser parce que la tension est trop forte. Il y a beaucoup d'atermoiements, mais qui sont assez classiques. On les a déjà vus dans différents romans. C'est assez courant. Il y a un côté quand même assez naturaliste, en fait, dans la façon dont le texte approche ça, qui est quand même très, très... qui est quand même très qui fait plus naturel que le truc très formel dont on pourrait s'attendre quand même. Ah oui, les flèches de l'amour percent son cœur. Bon, il y a un petit peu de ça aussi, mais c'est un peu mais la façon dont ils interagissent, c'est quand même relativement tu te rends compte que les c'est aussi possible que ça reflète vraiment des réalités qui existaient aussi, que ça, l'idéal de l'amour courtois, c'est vraiment un truc très stéréotypé, et qu'en fait c'est probable que ce soit un peu, parce que précisément le roman fait allusion au fait que c'est pas vraiment la façon classique d'un amour entre deux personnes. Mais voilà, le conseiller qui doit les inciter à se marier découvre qu'en fait ils sont clairement déjà complètement fous l'un de l'autre. Et donc il n'y a pas grand souci, ils vont se marier. Et du coup, c'est un peu, du coup, les filles ne peuvent pas succéder, mais on peut quand même donner à Cador la terre de Cornouailles, qui est au père d'Euphémie, parce que Non, mais on peut comprendre que c'est le roi qui accorde ça à Cador, parce que techniquement, quand Renaud meurt, s'il n'a pas d'héritier, parce qu'il n'a pas de fille, qu'il n'a pas d'autrement, ça revient au roi techniquement, donc il peut l'accorder à Cador. Mais c'est un peu la loophole du donc on pourrait imaginer que s'ils ont une héritière, elle se mariera, puis voilà, le mari héritera du trône de Cornouailles. Et c'est un peu ce qui suit un petit peu du coup incompréhensible, peut-être moins. Parfaitement logique pour les lecteurs de l'époque, mais du coup, Cador devient donc comte de Cornouailles, et pendant que Euphémie tombe enceinte, et pendant que sa grossesse, Cador lui dit, écoute, c'est quand même embêtant cette histoire du si on meurt et que c'est une fille, elle pourra pas hériter. Et si on l'élevait en fille, en fait, quel que soit le... Si on élevait cet enfant en garçon, quel que soit son genre, donc si c'est une fille, on l'élevera quand même comme un garçon. Et comme ça, si d'aventure... on allait avoir un autre garçon pendant qu'elle était jeune, il deviendrait l'héritier, et puis on dirait à tout le monde, non, mais en fait, c'est une fille, il réussit un néologisme, quelque chose comme on la dévalettera. On la dégarçonnera, en fait, un peu, entre guillemets. Et décide donc de la confier, de confier l'accouchement à une cousine à lui, à Cador, qui est donc parfaitement digne de confiance. Ce qui est d'ailleurs, le récit remarque, c'est que c'est plus compliqué, du coup, comme accouchement, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut aider. C'est risqué pour Euphémie. Et Donc la dame vient annoncer à la cour que ah voilà c'est un garçon, et puis il va avoir du coup sa femme, puis elle lui dit bah non c'est une fille, mais il décide de l'élever quand même en fille, même si, de l'élever en garçon même si c'est une fille. Le récit insiste beaucoup sur le fait que c'est la plus parfaite des petites filles, en gros hein. La nature a fait un bon travail, elle a c'est vraiment elle a sorti, elle est comparée à un boulanger qui choisit la fine fleur de la farine et qui prend ses meilleurs moules. Donc il y a cette image au Moyen-Âge de la nature comme forgeronne parfois. Donc on voit la nature, une femme qui tient un bébé sur une enclume. Mais l'idée que la nature crée des formes naturelles. Et là, en l'occurrence, donc, silence est prévu comme étant la plus belle défi. Donc il y a cette ironie aussi. Et nature va s'en plaindre justement qu'on gâche un peu son travail. Et du coup, silence va être appelé silencius au lieu de silencia. Et puis un jeu de mots avec le us, en disant justement le us est un peu n'est pas usuel, c'est-à-dire on pourrait dire les us et les coutumes. Le mot existe déjà, et donc il y a tout un jeu de mots sur le fait que l'us est inhabituel, mais que voilà, ce sera, c'est quelque chose qui peut-être sera. Donc ils disent déjà peut-être un jour ce sera remédié. C'est peut-être un état qui est temporaire. Il va être élevé, donc silence, donc qu'on va appeler silence au masculin parce que c'est ce que fait Eldris, va être confié à un vieux sénéchal, en gros, qui a aussi des enfants, hein, mais qui sera du coup le principal, le parent en fait pratiquement de silence, qui va l'élever un peu à l'écart de la cour, comme ça, voilà, on posera pas trop de questions. S'il y a quelque chose un peu bizarre, on ne remarquera pas, et puis ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde s'il peut être élevé de façon discrète, quoi. Et va être élevé comme un garçon. Il va être un des meilleurs garçons possibles et va être tout à fait bon à la chasse, au travail des armes. Il va être vraiment le garçon parfait. Il va y avoir tout un débat en fait entre nature et donc nurture, donc noriture, culture entre guillemets, sur ce fait là et comme tu dis, nature est vraiment très en colère que culture le déguise silence, le rend de toute façon, gâche un peu son travail, quoi, entre guillemets. Je peux peut-être lire un extrait qui est que justement nature dit quand nature s'aperçut qu'il l'avait dupé et trompé et qu'ils avaient détourné son œuvre de la voie qu'elle lui avait tracée, croyez-vous qu'elle n'en ait pas éprouvé une grande peine, qu'elle ne leur aurait pas beaucoup voulu de changer sa fille en fils et qu'elle n'ait pas conçu un grand mépris pour une telle action, que si, apprenez-le dès maintenant, ils m'ont méprisé et fait comme si culture valait davantage que ma propre action, s'exclame nature. Mon Dieu, l'affaire est grave, sur terre, rien de ce qui a reçu de nature sa subsistance ne peut par la suite se dénaturer. La colère rend mon cœur plus froid que glace à la pensée que culture déguise le produit de mon art. J'y ai mis une beauté introuvable dans 1000 êtres réunis. En elle, j'ai voulu vérifier mon pouvoir. Pauvre de moi, cela se retourne maintenant contre moi. Il en va de même au sujet de son teint. Sur son visage, j'ai uni le blanc au vermeil, donc le blanc et le rouge. Je les ai équilibrés l'un par rapport à l'autre pour défier le monde entier. J'y ai mis un blanc admirable afin qu'elle ne fût trop vermeille, et un vermeil de grande valeur afin que le blanc n'y soit pas d'une pâleur excessive. Et voilà qu'ils ont fait un héritier mâle qui sera exposé au vent et au soleil, comme si c'était une œuvre grossière. Si je ne finis pas par la démasquer, alors en effet, culture a plus de pouvoir que moi. Tels sont les propos de nature. Et là, on a une dimension qui est assez intéressante sur la couleur de peau, c'est-à-dire que c'est justement, les femmes sont censées rester dans un univers domestique, ne pas bronzer. Et le fait de brunir, c'est vu comme quelque chose de masculin. Vous pouvez comparer ça à Lancelot, qui est décrit comme, dans le Lancelot propre, comme le parangon de la beauté masculine. Mais chez lui, justement, il y a un équilibre entre le blanc, le rouge et le brun dans sa peau. Donc il y a l'idée qu'il y a une dimension genrée, et puis aussi un peu de couleur de peau, un peu, en fait, où c'est les hommes qui sont censés avoir un teint plus hâlé, quoi. Et justement, c'est quelque chose qui fait beaucoup partie de son éducation, pour citer de nouveau le texte. Pour la guérir et lui apprendre à monter à cheval, comme tu l'as dit, le sénéchal l'emmène dans les forêts près des rivières nombreuses dans la région. Plus souvent encore, il l'expose à l'ardeur du soleil pour lui faire acquérir un hâle plus viril. À force d'employer les manières des hommes et de rejeter celles des femmes, l'enfant devint pratiquement un mâle. Tout ce qu'on voyait de lui en avait l'apparence, mais il y a tromperie sur la marchandise. Sous ses vêtements, c'est une fille. Oui, il y a donc ce mot qui va être utilisé tout le temps, c'est cette ligne, le valet qui est méchine, donc le garçon qui était une fille, ou qui est une fille. C'est vrai que ça souligne un peu le côté un peu paradoxal et unique, parce que silence n'est pas seulement vu comme un... C'est ça un peu le côté ambigu, c'est si on en avait parlé de silence que comme d'une fille avec le pronom féminin pendant tout le texte, et qu'après, bah, on aurait simplement eu le moment où... voilà, elle aurait été déguisée, on aurait eu un... On aurait eu un, une reconnaissance de, ah finalement c'est une fille, puis ça serait passé comme une, disons plus naturellement. Là, pendant tout le roman, on va insister sur le fait que c'est pas une fille qui se déguise en garçon, c'est un garçon qui est une fille, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. Ouais, et puis le roman pointe justement aussi, c'est ce qu'on a dit, la dimension morale de cette, entre guillemets, de cette, l'analogie qui peut être faite, c'est la question de, est-ce que la culture n'a pas un rôle à jouer aussi? Donc là on a l'argument naturaliste, la nature dit il y a une essence et il faut pas s'en détourner, mais le roman se demande aussi, il y a des gens qui ont une nature mauvaise et qui arrivent à y échapper par leur éducation et se tourner vers de bonnes actions, donc c'est plutôt une bonne chose aussi. Et en effet, Silence semble exceller, que ce soit à la gymnastique, au combat, à l'escrime, je cite, il faisait à lui seul trembler tous ses compagnons réunis, ainsi Silence s'endurcit car son caractère était forgé dans le secret. Donc il est aussi, en termes de, comme on dit, de rôle genré, il se débrouille plutôt bien dans les exercices masculins. Oui, c'est pas, donc du coup pour finir un peu là-dessus, c'est pas présenté comme nécessairement négatif, disons c'est pas l'ordre des choses, mais en même temps c'est pas non plus quelque chose qui est mauvais, quoi. Il n'y a pas de condamnation explicite de ses parents, c'est pas un, à part la nature qui s'énerve un petit peu, puis qui de toute façon, bah, elle va avoir entre guillemets gain de cause à la fin, puisque Silence va retrouver son rôle féminin. Mais le fait que Silence soit déguisé en soit déguisé en homme et qui ou soit habillé en homme entre guillemets, et se comporte comme un homme, n'est pas du tout vu négativement par le texte et même par les personnages. Une fois que la chose est révélée, bah voilà, le sénéchal a pas de problème à accepter ça, que cet ordre qu'on lui donne son seigneur, la dame qui l'a fait accoucher, qui a géré l'accouchement de la duchesse, bah pareil, elle trouve ça tout à fait logique, et disons donc il y a vraiment ce côté un petit peu d'un côté c'est pas l'ordre des choses, mais d'un côté c'est pas non plus complètement négatif, quoi. C'est pas quelque chose de problématique entre guillemets, dont le choix est certes un peu unique, mais et il va falloir qu'à la fin ce soit disons l'ordre soit rétabli, mais en attendant elle peut tout à fait faire ça, c'est pas ça pose pas de problème, disons, éthique, surtout étant donné la situation du royaume et du fait que ses parents pourraient pas laisser leur trône à un héritier autrement, quoi. Ouais, et du coup, Nature vient reprocher à Silence d'avoir fait ça. Il lui dit vraiment, tu m'outrages gravement en te pliant à une telle éducation. Tu ne dois pas vivre dans les bois, lancer des javelots, tirer et chasser à l'arc. Sors de là, c'est Nature qui te le dit. Bon, sors de là, il est dehors, mais dans ce sens-là. Va faire de la couture dans ta chambre. Voilà ce que réclame la loi naturelle. Tu n'es pas Silencius. Et donc Silence a des doutes, parce qu'il se dit quand même, c'est vrai qu'il n'y a aucune femme de ma famille, c'est-à-dire que quand il arrive un peu à l'adolescence, il se rend compte qu'il a quelque chose de particulier par rapport aux autres garçons, et il se dit aucune femme de sa famille n'a mené ce genre de vie, il demande à ses parents qui lui expliquent la situation en fait, et il commence à... Il a des doutes, il participe plus au jeu masculin, on le chambre, on dit qu'il est trouillard et que voilà, il a plus envie de se couper les cheveux et de porter des pantalons, et il se dit peut-être que je devrais revenir à ma condition féminine. Mais Nourture, donc Culture, intervient, elle lui dit non mais quand même, j'ai bossé pour t'éduquer, donc voilà. Et puis il y a un troisième terme dans ce dialogue entre nature et culture, c'est la raison. C'est Raison qui arrive et qui lui dit « Si tu fais ça, tu perds tout. Tu perds ta monture, tu n'auras plus le droit d'utiliser ton cheval comme tu le veux, tu perds ton éducation pour laquelle tu as quand même bossé, et il ne va pas te rester grand-chose à part la couture, en fait, dans ta chambre. » Silence se dit... C'est là qu'on peut comprendre aussi le côté un peu, la critique, disons, féministe du 20e siècle, qui lit ça, qui peut lire ça comme, Silence sait au fond que... c'est une fille, et d'ailleurs son travestissement est quelque chose de forcé, hein. C'est pas quelque chose où on lui a laissé le choix au début, donc on peut pas vraiment en parler tout à fait dans le même registre qu'une personne trans, par exemple, mais d'un autre côté, voilà, il y a ce fait que ce qui lui est permis en tant que, en adoptant ce rôle de garçon, lui permet d'avoir des avantages qui n'auraient pas été donnés à une fille, quoi. Et donc c'est, même si moi je trouve que c'est insuffisant comme point de vue sur la question, parce qu'il y a clairement des choses en plus dans ce qu'écrit Eldris, c'est clair que c'est un élément de ce dialogue, quoi, entre et l'argument de la raison est finalement celui qui remporte la partie quelque part, puisqu'elle va continuer dans son rôle de garçon aussi à cause de ça, quoi. Bah, il se dit justement, pour citer le texte, « L'état de femme et ses usages l'ennuient profondément. Il se rend compte que la situation de l'homme vaut vraiment mieux que celle de la femme. Vraiment, fait-il, ce serait malheureux de me rabaisser quand je domine. Je suis au-dessus et il me faudrait aller au-dessous. J'ai de la valeur et du courage à revendre, mais je perds tout et je fais mon déshonneur si je souhaite rejoindre l'état de femme. J'ai pensé cela pour me faciliter la vie, mais ma bouche est trop rude pour donner des baisers, trop raides sont mes bras pour enlacer. Le jeu qu'on mène sous les courtines pourrait vite me mener à la mort car je suis un jeune homme et non une demoiselle. Je ne veux pas perdre mon grand héritage, ni l'échanger contre un moindre, et je ne veux pas manquer à la parole que j'ai donnée à mon père. » Donc il y a aussi cet engagement, c'est-à-dire que voilà, on lui a donné c'est le rôle qu'on lui a donné à tenir et qu'il veut tenir. Et puis aussi il se dit mais en fait voilà. Si je devais maintenant je me suis pas vraiment préparé à la vie de femme non plus, donc si je devais le faire je serais pas non plus une femme très performante. Et c'est là en fait que c'est un peu plus compliqué que simplement dire voilà c'est une femme qui adopte un rôle d'homme pour les avantages que ça lui procure, parce que au fond même si ça n'avait pas été un choix volontaire au début, bah le rôle de nourriture a été suffisant. Qu'il n'a pas connu d'autre, quoi que ce soit d'autre, quoi, entre guillemets. Donc il y a vraiment cette approche un peu plus. Qui est plus complète que ce qu'on pourrait penser au premier abord, quand on se dit, ah oui, c'est un texte médiéval sur quelqu'un qui est né fille, mais qui est élevé en garçon. Ben, il y a quand même des approches assez. Il y a un dialogue assez intéressant, justement, entre les. Il y a une dialectique qui est assez explorée, quoi, en fait. C'est pas sur ces aspects philosophiques plus que sur les aspects vraiment. Disons, qu'on pourrait penser être plus sensationnaliste, disons, si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est clair qu'on n'a pas vraiment le domaine... Enfin, le domaine grivois, il est toujours sous-entendu et pas vraiment touché du doigt. Là, on parle un peu des jeux qu'on fait sous les courtines, mais on ne va pas avoir une dimension, disons, très anatomique qu'on pourrait avoir dans des fabliaux ou des choses comme ça. Qui est peut-être un peu plus présente quand on voit, en fait, on en reparlera après, mais à la fin, on a un autre travestissement, mais dans le sens inverse... et qui concerne des personnages, disons, vus comme négatifs. Et là, par contre, c'est quelque chose qu'on mentionne clairement. Donc, c'est clair qu'il y a une espèce de double discours, là, entre les deux approches. Mais pour ce qui concerne Silence, c'est vraiment une approche plutôt philosophique. Il y a du coup Silence qui... Il y a un événement qui va venir perturber ce tableau. Donc là, on a bien mis en place le décor. Deux ménestrels qui passent dans le royaume et qui vont partir d'Angleterre pour aller en Bretagne continentale, en fait. Et Silence les sert et est intrigué par leur parcours. Et se dit, bah tiens, je vais m'enfuir et les accompagner. Il les suit après s'être grimé avec des orties trouvées dans la forêt. Alors, quand il les croise sur le bateau, etc., il doute que ce soit le même. Il se dit, mais est-ce que c'est le même gamin qui nous a servi dans le royaume? Ils ne sont pas complètement sûrs, donc il s'est teint le visage avec... Donc, il y a toujours ce thème un peu de la dissimulation. Mais il se révèle à eux. Le sénéchal et la nourrice sont très tristes qu'il leur ait échappé. Tout le monde pense que les ménestrels l'ont enlevé, alors que c'est plutôt lui qui les a suivis. Et le roi, son père, est tellement frappé par ça qu'il interdit du coup à tous les ménestrels et jongleurs de passer par son royaume sous peine de mort, car il pense qu'ils sont responsables de sa disparition. Là, on a une logique un peu de, comme je disais, de conte de fées. Il y a un rouet qui va plonger ma fille dans le sommeil, donc j'interdis tous les rouets. Là, il y a une interdiction totale. C'est le duc qui interdit, pas le roi. Le roi, à ce moment-là, c'est encore censé être Eban de Cornouailles. Ma traduction d'ailleurs parle de Evan en fait à la place de Eban, ce que je trouve très drôle. Parce que c'est, alors c'est clair que c'est le même nom à la base, mais ça fait un peu bizarre de lire Evan. C'est beaucoup plus moderne en fait comme ton. Ouais. Il faut préciser aussi que une des raisons pour lesquelles il choisit d'aller en fait avec de suivre les jongleurs, c'est aussi parce que son raisonnement, c'est que bon, là actuellement, je suis un homme, je me comporte en homme, tout va bien, mais j'ai pas de talent, comme il le dit, hein, j'ai pas de talent féminin, donc je serais pas à l'aise. Hein, et si je pouvais apprendre à devenir musicien, ça serait quelque chose que je pourrais pratiquer dans les deux genres, en fait. On peut être un homme musicien, mais on peut être aussi une femme et avoir les talents de la musique, même si c'est pas pratiqué de la même exacte façon. C'est quelque chose de beaucoup plus privé quand c'est une femme. Mais c'est vu quand même comme quelque chose qui pourrait être pratiqué à l'intérieur, avec dans les chambres des dames. Et une partie de son raisonnement, c'est de se donner effectivement quelque part une sécurité qu'il aurait cette possibilité s'il devait revenir à sa condition féminine, en fait. On voit la musique qui bougre les frontières de genre. quelque part, je trouve que c'est assez... Ouais, il y a ce côté non, assez... Non, mais c'est vrai que c'est une des dimensions de cet épisode-là. Mais du coup, ça, de nouveau, ça pourrait être un argument qu'on voit justement à l'idée de la critique féministe qui dirait, voilà, il va chercher une stratégie qui lui permette de garder une valorisation, un rôle positif pour une femme, en tant que femme, quoi. Puis du coup, là, il y a un passage qui justement va peut-être un peu dans ce sens. Il prend le nom de Malduit, ce qui est une espèce de jeu de mots sur le fait d'avoir été mal conditionné ou mal éduqué, peut-être. Et il apprend à jouer de la musique avec eux et il devient très bon, en fait tellement bon qu'il supplante un peu les ménestrels à leur propre jeu. Il les éclipse un peu en popularité quand ils font leur tournée. Et les deux ménestrels pensent à le tuer car il les ombrage un petit peu, quoi. Il prend un petit peu leur soleil. Silence est averti dans un rêve de ça, c'est-à-dire qu'il rêve de choses sinistres, d'être attaqué, etc. Il se doute de quelque chose et il commence à... Donc il parle, il y a une petite scène de dialogue où les bandits se disent « Bon, on va l'amener dans telle forêt, puis on le trucide là-bas. » Et puis Silence dit « Ah, mais vous voulez vraiment aller dans cet endroit-là parce que je pense qu'on y trouvera des ennemis. » Puis ils disent « Mais non, pas du tout. » Il dit « Mais je pense que mes ennemis, en fait, seront toujours là où j'irai. » Enfin, il sous-entend de plus en plus qu'il se méfie d'eux. Et après avoir... Il leur dit « Bon, on va se séparer. » On partage le butin, il prend sa part et il décide de retourner en Angleterre. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a ce côté très... presque... Ils sont conscients du genre en fait, dans lequel ils sont, les ménestrels particulièrement, ce qui est assez logique parce que c'est des ménestrels, quoi, c'est des gens qui ont l'habitude des histoires et de ce genre de choses. Mais il y a le fait qu'ils le reconnaissent, par exemple, alors que souvent, dans les récits de chevalerie, il suffit de mettre un casque un peu différent, puis tout le monde pense que t'es quelqu'un d'autre. Là, il a beau être maquillé et avoir avec les orties, comme on l'a dit, ils ont des doutes, mais ils voient à travers assez facilement. Et là, de nouveau, ils sont... C'est très « je sais que tu sais que je sais », il y a un côté qui est très très qui est pas naïf, quoi. Comme si voilà, il était conscient du genre dans lequel ils étaient, quoi, et des attentes et des caractéristiques de ce qui se passe dans ces genres de situations, quoi. Et d'ailleurs il y a quelques passages assez voilà, on voit que même s'ils sont méchants ces ménestrels là, au final, parce qu'ils vont finir par essayer de tuer, ils vont faillir, enfin, pas essayer, mais ils sont à risque de tuer Silence. Il y a le côté un peu corporatiste d'Elris qui prend le dessus, dit ouais, c'est quand même pas terrible le fait d'avoir interdit à tous les jongleurs, parce que mine de rien, bon, certes, ils étaient un peu méchants, mais en même temps, c'était pas leur faute parce qu'il est parti avec eux volontairement, etc. Donc il y a le côté très paradoxal de ces jongleurs qui sont effectivement, au final, s'avèrent être des mauvaises personnes, mais qui sont quand même censés être qui représente le même ordre que l'auteur, quoi, quelque part. Donc là, Silence retourne en Cornouailles, où on l'a dit, les jongleurs ont été complètement interdits sous peine de mort. Donc ça fait longtemps, ça fait quelques années, que personne n'a entendu de musique, en fait. Et donc tout le monde est intrigué par sa présence et dit « Mais vous devriez arrêter, parce que c'est interdit, vous allez être jugé et tué. » Et lui, il se marre, il se dit « Pas de problème et tout, il s'inquiète pas trop. » Et puis effectivement, il est amené à la cour pour être jugé. Il y a un vieil homme qui le reconnaît et qui l'annonce au roi, qui d'abord ne le croit pas du tout. Mais finalement, il y a réjouissance devant le fait d'avoir retrouvé son fils. Donc la reconnaissance, elle marche pas. Enfin là, il y a peut-être quelques années qui sont passées. Il y a quelques doutes un peu autour des deux. Effectivement, il y a ce côté un peu Moi, je pensais que ce serait logique que ce soit le sénéchal qui le reconnaisse, mais je crois que c'est pas dit que c'est lui. Et ça a l'air d'être quelqu'un d'autre. Et puis du coup, on se demande comment il le connaissait vu qu'il était élevé dans la forêt. Franchement, je pense que c'est Merlin déjà qui est le vieil homme ici. Ouais. On peut considérer. Après, bon, elle a tendance à penser que tous les vieils hommes du récit sont Merlin, ce qui marche pas forcément super. Et puis il y avait un vieux. Ce qui marche pas forcément super vers la fin où il y a un autre vieil homme. Mais on peut penser que c'est Merlin, effectivement. Bon, c'est vrai qu'il sort un peu de nulle part, quoi. Il sauve la situation, mais alors que ce qui aurait été logique, c'est de dire c'est le sénéchal qui est là, puis qu'il le reconnaît, parce que c'est lui qui l'a élevé, quoi. Ou alors, c'est simplement, il se déclare lui, et puis il est finalement reconnu grâce à une tache de naissance, en fait, sur son épaule, ou je sais plus exactement, mais enfin, oui, il y a le côté, le signe de reconnaissance. Le signe de reconnaissance, très traditionnel, finalement, comme façon de reconnaître un enfant dans ce genre de récit, quoi. C'est ça, ou alors la moitié d'un pendentif qu'il a gardé. Un anneau qu'il a hérité de son père. Ce genre de choses, voilà. Mais en l'occurrence, là, c'est... Comme un signe de reconnaissance dont parle déjà Aristote dans la Poétique comme d'un des ressorts dramatiques. Cependant, le drame ne s'arrête pas là. Il y a un petit moment de réjouissance, un petit palier dans le récit, mais ses dons pour la musique continuent à lui attirer des soucis, car il est trop bon en musique. Le roi Ebain décide de le prendre à son service pour la musique et de l'enlever à la cour de sa famille, du coup. Et ça attire l'attention de sa femme Euphème, donc la fille du roi Berg de Norvège, du coup. Là, on a un épisode façon femme de Potiphar dans la Genèse avec Joseph. Donc, elle essaye de le séduire. Silence est terrifié d'être découvert. Il peut bien sûr pas... Il a ni l'envie, ni la possibilité de se prêter à ses jeux amoureux. Il ne peut pas répliquer. Elle décide donc de se venger. Elle l'accuse déjà d'être, comme on l'a dit, hérité. Donc, on va dire un éraste, un sodomite ou un homosexuel. C'est une accusation qu'on a déjà trouvée dans la légende arthurienne avec le cas de Lanval de Marie de France où Guenièvre, comme Lanval rejetait ses avances, Guenièvre l'accusait de fricoter un petit peu trop peut-être avec les hommes. Elle se venge, elle l'accuse donc une autre fois quand le roi est à la chasse, elle revient à la charge. D'abord elle dit non, c'était pour vous tester, machin, je ne voulais pas, bien joué d'avoir résisté à mon test. Et puis quand le roi est à... C'est un test d'ailleurs que le roi m'avait demandé de faire. Puis, bien joué, c'était mon plan. Et quand le roi est à la chasse, elle revient à la charge, silence de nouveau, ne veut pas. Et puis là, il y a une scène où elle va l'accuser faussement de l'avoir violée. Elle va se donner des coups de poing pour se s'ensanglanter, se mettre un œil au beurre noir ou comme ça, et se défaire les cheveux. Et donc quand le roi revient, il dit « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Elle lui raconte que Silence l'a agressé. Alors, une réaction quand même assez... il se formalise pas tout de suite. Oui, il n'est pas très bully-woman. Certainement, mais on a de nouveau l'aspect assez misogyne du récit, c'est-à-dire que non seulement sa parole à elle, pour le roi, compte pas tant que ça, mine de rien, il va finir par la croire, mais... pas entièrement, et puis il est quand même très... elle vous a violé, mais vaut mieux éviter le scandale, et puis du coup, il vaudrait mieux pas faire ça savoir... Et puis même là-dedans, et puis en plus c'est faux, donc c'est clair qu'il y a l'aspect négatif, les femmes vous accusent trop volontiers de viol pour ruiner la carrière des hommes qu'elles désirent secrètement, c'est vraiment un côté très, stéréotypiquement misogyne. Il y a un motif misogyne parfaitement classique, mais il sent vraiment qu'il est en mode, déjà au début il a l'air de la croire, puis là mais c'est pas si grave que ça, et puis silence, il est jeune en plus, donc il faut pardonner quand même, mais il se dit bon, je vais envoyer silence auprès du roi de France, alors qu'on pas très bien, il essaie de faire un peu un compromis, il se dit je vais l'envoyer auprès du roi de France, puisque je tiens ma terre du roi de France, et je vais le laisser le gérer le problème. Je crois qu'on a dit ça avant, on a peut-être dit l'inverse, que le roi de France était valet d'Angleterre. Le roi de France est clairement le suzerain, comme on peut penser, pour c'était le cas à l'époque avec les terres du... Alors, en l'occurrence, c'est pas très clair, mais on a l'impression qu'il tient ses terres d'Angleterre du roi de France, donc ça veut dire que ça a été assez violent, la réaction post-arthurienne. On a reconquis la Gaule, a reconquis l'île de Bretagne et a mis un roi à la place. C'est vrai qu'on ne sait pas trop où en est le royaume arthurien dans cet état-là, mais il tient sa terre du roi de France, et puis... du coup, il se dit, bon, je vais l'envoyer là-bas, puis lui, comme c'est mon suzerain, il va gérer le problème. Il y a une lettre qui explique la situation, la reine l'intercepte auprès du chancelier et remplace le contenu du texte pour demander que Silence soit décapité. Sans expliquer pourquoi. Sans expliquer pourquoi. Le texte dit juste, il a fait une grave insulte à mon honneur. Dont je ne peux pas parler, en fait, tellement c'est grave, je ne peux même pas le décrire. Voilà. Et du coup, Silence porte la lettre sans savoir ce qu'il y a écrit dedans, ce qui est ironique. Ça fait penser à des scènes similaires dans le Tristan en prose. Je crois que c'est pareil quand Tristan est envoyé en France avec une lettre et puis qu'on dit « Oh non, mais c'est un si bon garçon » et pourtant la lettre nous demande de le tuer. Et puis pareil, là, il y a toute une scène d'intercession avec les barons, les vassaux du roi de France qui se formalisent, qui disent « Et puis d'abord, le crime, il n'est pas décrit, puis il pourrait faire la justice lui-même, et puis il ne faudrait pas que le déshonneur tombe sur vous au lieu de tomber sur lui si vous ne savez même pas de quoi il retourne. » Donc peut-être... renvoyer la lettre en demandant des précisions, et c'est ce qu'il finit par faire. Le roi voit la lettre et il se dit « mais c'est pas la lettre que j'ai écrite ». Il accuse d'abord son chancelier d'avoir transmis la lettre, il le fout en prison. Le chancelier, c'est pas ce qui lui tombe dessus, il finit par appeler le roi pour lui dire « dites le roi que je veux lui parler ». Et il dit « non mais vous savez, messire, je vous ai jamais trahi ». Puis le roi lui dit « bon, tu m'as appelé pour me dire ça, ça me dit pas grand chose ». Puis il dit « bah écoutez, je veux pas, il voulait pas de base accuser la reine, mais il dit « mais je me rappelle que la reine a quand même lu la lettre, et donc c'est possible qu'elle l'ait remplacée ». Alors le roi, il comprend tout. Il explique au chancelier que la lettre vient d'un comte qui a une rancune envers Silence et sa famille. Donc il dit voilà, il couvre les exactions de la reine. Et Silence revient en grâce à la cour. Silence est adoubé à Paris, à la Pentecôte. Enfin, il revient à la cour, il revient en grâce à la cour du roi de France. Et il va pouvoir revenir à la cour d'Angleterre après. Silence est adoubé à Paris à la Pentecôte, donc grand moment de l'année arthurienne, mais aussi de l'année chrétienne et occasion de réjouissance et de ce genre de célébration, à l'âge de 17 ans et demi, donc il a pas encore tout à fait 18 ans. Il fait montre de grands talents chevaleresques pendant les tournois qui célèbrent ce jour-là, montrant que culture se débrouille pas mal contre nature quand même. Avec ses chevaliers français d'ailleurs, il a des... Il a ramené avec lui une petite garde de chevaliers français qui sont quand même vachement bien comparés aux chevaliers roulés. Bah, y a aussi, on va en reparler justement, cette hiérarchie un peu des différents peuples et de leurs talents de chevalerie. Parce qu'en Angleterre, il y a une révolte. Eh ben, il y a ces barons qui se soulèvent. Donc ça, c'est un thème qu'on a aussi beaucoup vu dans la suite du roman de Merlin, dans l'Historia Regum Britanniae. Là, comme tu as dit, on est peut-être dans un état post-arthurien, c'est pas tout à fait clair. Et il annonce à la reine Euphème qui va faire appel à Silence, ce qui apprend à la reine qu'en fait il a pas été mis à mort, et puis en fait finalement il a pas été mis à mort, mais on a besoin de lui, donc voilà, je vais l'appeler si ça vous gêne pas trop. Puis alors la reine, bien sûr, elle veut pas trop montrer son jeu, puis elle dit non, ça va, pas de problème. Donc avec 30 chevaliers français, il va mater la révolte à Chester. Il rencontre le comte de Chester sur le champ de bataille, et il est désarçonné par le comte de Chester. Mais Silence se rend à son secours avec une épée, qu'on nous précise, qui a été fabriquée par un mort. Donc là, l'épée qui a une origine un peu orientale, mystérieuse. Ce qu'on trouve plus souvent dans les chansons de gestes carolingiennes, mais qu'on trouve aussi un peu dans les autres romans médiévaux. Et il est acclamé par la foule qui dit « Vive le Cornouaillais !» Ce qui est un peu, si on prend le contexte du Tristan en prose par exemple, qui est un peu inhabituel, parce que vous vous rappelez que les Cornouaillais étaient réputés pour être nuls. Et c'est ça qui démarquait Tristan des autres. Tristan était un très bon chevalier, mais il y avait toute cette histoire que si vous êtes vaincu par un Cornouaillais, c'est encore pire que si vous êtes vaincu par un chevalier normal. Et vous devez arrêter de porter les armes ou porter les armes à l'envers pendant, je sais plus, c'était une durée de 1 ou 2 ans comme ça. Là, au contraire, on a de nouveau ce motif d'un Cornouaillais qui se trouve être très bon, donc peut-être que ça répond à ces connotations-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des cibles ethniques britanniques qui sont particulièrement visées, mais là, c'est les. Enfin, britanniques, non, enfin, des îles du Nord-Atlantique, parce que je vais me faire taper dessus par des Irlandais, mais les Irlandais, notamment, sont particulièrement vus sous un angle négatif. On nous dit tout le temps que les Irlandais, c'est des grosses brutes colériques qui n'écoutent pas, qui sont bêtes, etc. Donc là, pour le coup... Les Écossais aussi un petit peu, mais c'est surtout les Irlandais. Non, c'est une dimension qu'on a déjà vue, un peu quand on parlait justement la dernière fois des merveilles de Rigomer. C'est le Far West, habité par des sauvages, des monstres. Ouais, il est vraiment très très négatif. Ils sont négativement présentés d'une façon qui n'est pas le cas. Justement, chez Tristan, les Irlandais ne sont pas particulièrement vus négativement. Tristan y va, il a des exploits, mais il n'y a pas ce côté vraiment anti-irlandais aussi fort, quoi. Qui a là-dedans, et là c'est vraiment gratuit en plus, hein, c'est vraiment juste des insultes. Est-ce que c'est parce qu'à l'époque, justement, on savait que les Anglais n'aimaient pas les Anglais, les Cornouaillais n'aimaient pas les Irlandais, je sais pas. Mais dans la lutte, Silence prie d'ailleurs, il prie « Seigneur Dieu, par pitié, toi qui m'as tiré de maintes difficultés, rends-moi fort contre cet homme, ce que nature rend faible en moi, que ta volonté le renforce, pourvu que tu le veuilles, ni un roi, ni un amiral, ni tout son empire ne peuvent me faire du mal. » Et effectivement, Silence a l'air d'être favorisé par la Providence durant cette bataille. Le comte Conan lui abîme le casque, mais en retour, il lui tranche un poing et il le fait prisonnier. Il tranche à qui une jambe, à qui un pied, à qui un poing. Il fait énormément de dégâts dans les rangs ennemis. Les Français arrivent en renfort et Silence arrive aussi à les rallier. À son cri de Montjoie, pas un seul ne se détourne pour fuir ou se cacher. Vous pouvez être certain que Silence, qui met ainsi un terme à la guerre, est chéri de Dieu. Silence finit par affronter le comte de Chester sur le champ de bataille. Il le frappe assez douloureusement à la tête, il abîme un peu son casque, donc la bataille est rude, mais Silence finit par l'emporter et conclure cette bataille et cette guerre. Le roman n'a pas beaucoup d'actions militaires, à part justement le tournoi, enfin l'espèce d'image de Silence dans les tournois après son adoubement auprès du roi de France. Et puis il y a justement cette guerre entre les barons et les barons et puis le roi d'Angleterre. Enfin, il y a ce côté vraiment qui intervient un peu comme un cheveu sur la soupe à la fin, parce que l'essentiel du roman est relativement peu militariste, en fait. Enfin, il y a peu de... Alors, c'est peut-être aussi une façon de souligner que, voilà, sinon, c'est pas simplement un chevalier comme un autre, c'est aussi... Il y a ce côté un peu différent, quoi, mais j'ai en tout cas retrouvé le roman relativement... Il y a bien les exploits de Cador contre le dragon, mais c'est pas aussi présent qu'on pourrait avoir dans un roman de chrétien où on commencerait tout de suite par une personne décapitée. Enfin, le roman est relativement peu, est relativement avare de moments comme ça, de joutes, etc. Alors que dans d'autres romans, on aurait beaucoup plus ça, quoi. Donc, c'est aussi quelque chose qui est un peu moins présent dans celui-ci. Et c'est un des rares épisodes, disons, où par contre, là, on nous rassure. Silence est bel et bien un grand chevalier. Et d'ailleurs, voilà, il réussit à complètement à dérouter les rivaux des bains. Il y a, du coup, là, la reine reprend ses avances où elle les a laissées, maintenant que Silence est revenu. Silence les repousse toujours. Maintenant, il se donne quand même un alibi. Il dit non, mais maintenant, j'ai rencontré une amie. Vous l'avez pas vue, elle vit en France. vous inquiétez pas. Et pour se venger, la reine recommande au roi d'envoyer Silence chercher Merlin, sous prétexte qu'il aurait fait un songe. Donc il lui dit, tu racontes que t'as fait un rêve où il faudrait que t'ailles chercher Merlin. Et en effet, Merlin a prédit qu'il ne serait attrapé que par la ruse d'une femme. Donc ce serait une quête impossible parce que Silence n'est pas une femme, bien entendu. Du coup, c'est là qu'il va partir vraiment dans la portion finale de la quête et qu'il va donc du coup voir cette espèce de quête. Alors ça va pas durer très longtemps, hein, mais il va finir par trouver un bois où il va tomber sur un vieil homme qui va lui expliquer comment il va trouver Merlin. Et alors là, de nouveau, Roche Madid, qui est donc la traductrice que j'ai lue, pense que c'est encore Merlin qui est déguisé, qui va l'aider à le retrouver. Je pense pas que ça... Alors, on peut penser que c'est le cas, et puis que Merlin est là pour... c'est un motif qui est pas non plus inexistant, mais là je trouve ça un peu bizarre, parce que les formulations ne laissent pas du tout entendre ça, quoi. On a vraiment... le Merlin apparaît séparément, et il semble pas être au courant du plan. Enfin, je sais pas, ça me semblait un peu bizarre comme idée. Mais ce vieil homme va expliquer à Silence comment attraper Merlin, et en l'occurrence, ça consiste simplement à attendre que Merlin, qui est donc de nouveau présenté comme une opposition nature, c'est-à-dire son instinct, et culture, la façon dont il a été, entre guillemets, élevé en tant qu'homme sauvage, récemment, hein, parce que la fuite de Merlin est visiblement présentée comme postérieure à la chute d'Arthur, et il vit comme un homme sauvage dans les bois. C'est ce côté un peu Merlin traditionnel qu'on voit un peu moins dans les récits arthuriens classiques, mais qui est quand même très existant, l'idée du Merlin qui fuit et puis qui va vivre en sauvage dans la nature. Donc en fait, sa nature il va désirer la viande que Silence va faire cuire. Mais une fois qu'il l'aura, il va pas pouvoir résister, mais il va la manger. Mais du coup, il aura soif et on va lui donner un mélange de lait et de miel qui va complètement le ballonner. Et du coup, il voudra boire du vin pour se désaltérer. Et le vin finira par l'achever. Et, enfin, entre guillemets, il sera drogué par le vin et l'alcool et il pourrait être attrapé par Silence, en fait. Et c'est ce qui se passe, en fait. Oui, il y a l'idée que voilà, Merlin, enfin, toujours dans le débat nature-culture, il y a l'idée que Merlin, il devrait se contenter de manger des herbes et des racines, que ça aurait évité que sa nature humaine, justement, prenne le dessus. Alors bon, dans la tradition de Merlin, on aurait pu penser qu'il y aurait aussi un débat sur sa nature démoniaque, mais là, ça n'entre pas trop en ligne de compte, en fait. C'est mentionné quand même, hein. Il a un seul père et c'est un démon. Oui, mais... C'est mentionné, on pourrait penser que dans le contexte de la nature, effectivement, ce serait plus... Ça aurait été un débat intéressant, justement, sur la... Enfin, c'est une des questions de la nature de Merlin, parce que dans la... à partir du Merlin de Robert de Boron, c'est une des questions que Merlin était destiné à être... il voit le passé grâce à son héritage démoniaque, mais Dieu intervient et à cause de la vertu de sa mère, lui donne la possibilité de voir le futur et qu'il puisse du coup mettre ça au service du bien. Donc ça fait partie quand même de du débat autour du personnage. Je crois que quand Ninian l'enferme, il y a aussi cette question-là. Elle dit, voilà, il a une nature démoniaque, etc. Elle le méprise pour ça. Donc, ça entre pas trop en ligne de compte, alors que c'est clairement quelque chose, c'est du lore qu'il connaît. Effectivement. Donc Merlin va être ramené auprès du roi, et là il y a un incident qui se retrouve aussi, je crois que c'est dans le Perceval en prose, mais je suis pas sûr que ce soit, dans le Merlin en prose, il me semble, ou le Merlin de Robert de Boron, je sais plus, l'incident des rires de Merlin. Je sais plus donc. Alors, les rires de Merlin, on le trouve déjà dans la Vita Merlini. C'est déjà dans la Vita Merlini. Hein, Il y a justement trois moments où Merlin rit avant d'être amené devant le roi. Il y a un homme aux souliers qui s'est fait réparer les souliers alors qu'il sera mort avant de rentrer chez lui. Un mendiant qui ne sait pas qu'il est sur le lieu d'un trésor qui a été enterré à cet endroit-là. Et un enfant enterré. Donc, il voit un enterrement et en fait, l'enfant était celui du prêtre. Ce qui renvoie là assez directement à. Ce qui va faire écho après à d'autres épisodes de sa légende où il sauve sa mère en confrontant notamment le clergé qui voulait la condamner et qui avait notamment un fils illégitime. Voilà, donc il y a cet aspect un peu comment dire, il a ses caractéristiques, disons, qu'on retrouve dans d'autres récits entre guillemets merlinois, arthuriens. C'est clair qu'il y a la lecture de ça est clairement intégrée, quoi, à la narration d'Eldris, là. C'est vraiment sans doute une allusion. Voilà, Merlin fait ça quand Merlin, un prisonnier, lui toujours fait ainsi. Mais disons, le débat nature-culture, il reprend, et là, il y a quelque chose qui est presque limite hérétique dans cette discussion, c'est que la culture accuse, enfin, Norture accuse nature d'être la vraie source du mal, parce qu'il dit, bah, Adam et Ève, ils ont commis le mal, et il n'y a aucune éducation qui pouvait expliquer ça, parce qu'ils ont été éduqués directement par Dieu dans le paradis. Et puis, il y a nature qui répond que c'est évidemment la faute du diable. Donc on a encore une... Enfin, pour parler de la nature démoniaque du Merlin, il y a vraiment une, on va dire, une occasion manquée quand on regarde le texte et les thèmes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est assez curieux que ce soit pas mentionné plus avant. C'est ça. Alors que c'est connu, ouais, comme tu le dis, hein, c'est clairement connu. Il le mentionne, je veux dire, il le mentionne même explicitement dans le texte. Mais pour une raison, effectivement, X ou Y, c'est pas du tout mentionné dans ce contexte-là. Peut-être ça irait simplement pas avec sa conclusion, simplement. Mais... Peut-être. Ça lui est pas utile. Il y a aussi un passage que je trouve intéressant, c'est justement ce lien qui est fait à la famille de Cornouailles, à la famille de Gorlin, où en fait Silence, on lui a donné une quête de base, il a pas choisi cette quête, mais quand il arrive à Merlin, il dit je suis parti de chez moi pour te traquer et obtenir ta mort. Ma mort, répondit Merlin, mais pourquoi? Et là Silence, plutôt que de lui dire c'est quelque chose qu'on m'a demandé de faire, il dit mon ancêtre Gorlin, le duc de Cornouailles, a été tué à cause de toi. C'est pourquoi tu mourras quoi qu'il arrive. C'est un motif suffisant à mes yeux que tu aies provoqué sa mort lorsque métamorphosant Uther Pendragon, tu lui as donné les traits de mon ancêtre. Et que tu t'es mué à la ressemblance du sénéchal qui l'accompagnait, tu as mené Uther tout droit là où couchait la femme du duc quand il a conçu le preux Arthur. Et Merlin rétorque que engendrer Arthur, ça valait mieux que sauver le duc qui est tué peu après. Mais je trouve ça assez intéressant qu'il y ait, c'est presque une espèce de twist, qu'en fait, Silence ait une rancune personnelle envers Merlin, ce qui n'est pas révélé avant, et qui est logique, enfin, qui connecte ça au fait que voilà, il est de la famille de Gorlin de Cornouailles. On pourrait peut-être se demander si c'est même pas simplement un problème manquant ou quelque chose qui aurait été expliqué ailleurs dans le texte, parce que c'est vraiment, il n'y a pas de raison d'expliquer à... Enfin, on pourrait penser qu'il... Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, en fait, le côté... qu'il ait besoin de faire cette justification alors que Merlin lui demande pas spécifiquement, enfin il aurait pu lui dire j'ai été envoyé par mon roi ou etc, et on pourrait penser qu'il y a quelque chose qui justifiait ça, ou le fait qu'il devait cacher à Merlin le fait que c'était le roi Ebain qui l'envoyait, je sais pas, peut-être simplement un scribe ultérieur qui s'est dit tiens mais enfin ce serait quand même logique que ce soit ça, donc on va rajouter ça pour rappeler le lien, ou c'est juste une façon d'accrocher la légende arthurienne avec, je sais pas. Mais c'est juste que je trouvais ça un peu curieux quand même, représentation de ça ici, là, c'est... Mais donc, il y a un peu une confrontation finale à la cour. Alors Merlin, il y a ces scènes de rire en chemin, puis à la cour, il rit de Silence, d'une nonne et de la reine, de façon un peu énigmatique, et il ne veut pas forcément le révéler, donc on le met au trou. La nonne en question, c'est une nonne qui a... Elle n'a pas été très très sympathique avec Silence. Elle a fait des. Elle était mentionnée dans un lien, négativement avant qu'on explique qui elle était vraiment, en fait. Puis finalement, on menace Merlin de lui couper la tête. Il dit bon, je parle si j'ai sous réserve, enfin voilà, sur la garantie que je n'aurai pas d'ennui pour ce que je dis. Il révèle les trois scènes, donc le type avec les souliers qui a fait refait sa soulier, le type qui mendiait sur un trésor, et le prêtre qui chantait pour un enfant qui était le sien. Et il y a la reine qui intervient et qui dit mais peut-être la reine elle sent que ça va être son tour, puis elle dit Merlin, quel plaisir, comme tu t'entends à dire du mal des femmes, quel plaisir prends-tu à me dire ainsi? Donc là il parlait de la mère de l'enfant qui a été enterrée en disant qu'elle était infidèle. Mon époux ne devrait absolument pas tolérer de telles paroles, il ferait bien mieux de te faire tuer ou de te faire jeter dans quelque misérable lieu. Merlin se moque de ses menaces. Et puis, il y a le roi qui dit « Madame, vous avez tort, même si un Écossais ou un Irlandais m'adressait des paroles, sottes ou fondées, il aurait bien le droit à sa tranquillité ici devant moi. Ne suis-je pas le roi? Laissez-moi parler, décider et agir selon mon bon plaisir. Sage est la femme qui se tait. Par Dieu, selon moi, un muet est capable de définir l'intelligence des femmes, car elle tient en un point, se taire. C'est leur lot à toutes, à une exception près peut-être, mais il n'y en a pas une sur mille qui ne soit davantage louée pour son silence que pour ses paroles. Laissez-moi faire et retirez-vous dans votre chambre. » Donc voilà, un trait à la fois très misogyne, puis encore ce qu'on avait dit avant sur les Écossais et les Irlandais, genre, ouais, même si un Irlandais me disait quelque chose, je devrais l'écouter. Ouais, c'est vraiment assez particulier, quoi. C'est à la fois cette combinaison de préjugés anti-écossais irlandais et misogyne. Ouais, je sais pas, je trouve ça très drôle personnellement, mais le façon, disons, un peu incongrue où ça apparaît, en fait. On sent qu'il fait, il cumule en fait les traits les purs, les plus négatifs dans ces cibles-là. Puis donc. Merlin, donc tout le monde, tous les chevaliers sont intrigués, ils veulent savoir la suite des révélations, et il dit que deux personnes Il dit, sire, deux personnes nous ont trompés par de simples déguisements. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Puis il dit, ben, Silence et la nonne ne sont pas ce qu'ils semblent être. Sous ses habits, Silence est en fait une fille. Et puis sous ses habits, la nonne ne craint pas la chaleur du soleil, ni la bise ou le vent. Autrement dit, c'est un homme. Et puis c'est sous-entendu que c'est l'amant de la reine Euphème, en fait. Alors, c'est pas très clair, la présentation, la façon dont c'est présenté par rapport à la reine. Est-ce que... On doit comprendre, parce que l'histoire de nonne déguisée en homme et de nonne, enfin de relation entre nonnes, c'est quelque chose qui est aussi un topos assez courant au Moyen-Âge. Donc, est-ce que c'est censé présenter la reine comme étant elle-même lesbienne et donc hypocrite, ou simplement le fait que la reine est simplement quelqu'un qui va avoir tendance à elle est appelée par des noms vraiment régulièrement très très misogynes, enfin c'est une prostituée en gros, ou à peu près ça quoi. Donc est-ce que c'est simplement un topos pour la présenter comme simplement licencieuse, ou est-ce que c'est quelque chose de plus d'encore plus négatif que ça, je sais pas. C'est assez elliptique dans le texte, mais ça ressemble vraiment beaucoup à la suite vulgate du Merlin, où il y a l'épisode de Grisandole, où là en fait on a l'impression de, quand on lit ça, on a l'impression de dire une espèce de reprise ou même de parodie de cet épisode là. C'est-à-dire que dans la suite vulgate, il y a Merlin qui va à Rome, où il y a l'empereur Jules César. Bon, alors c'est un anachronisme un peu pas très soigneux, qui a un écuyer du nom de Grisandole à son service. Et César a un rêve. Alors là, on a dit que le roi Hébin prétendait avoir eu un rêve, mais là, dans la suite vulgate, César a un rêve d'une truie qui couche avec 12 loups. Et il comprend pas la signification. Il y a un cerf blanc qui entre dans Rome et qui parle à tout le monde, c'est Merlin sous forme de cerf, et il dit à l'empereur, tu dois faire attention à ta... Il lui attire l'attention sur sa vision, et il retourne dans la campagne. César comprend que c'est un homme sauvage et qu'il faut aller l'attraper. Grisandole va essayer de le choper. Et dans cette version-là, il y a Merlin qui lui donne des conseils pour attirer l'homme sauvage, donc ça, sous forme déguisée, apparemment, il l'aide à s'attraper lui-même, plus ou moins. Enfin, c'est ce qu'on a l'impression, donc c'est ce qui guide aussi l'interprétation du même motif ici. Et en faisant cuire de la viande, Grisandole arrive à l'emprisonner. Celui-ci rit devant différentes situations, donc comme dans la Vita Merlini. Il est présenté devant l'empereur, et puis il explique que Grisandole est en fait une femme, et que la truie et les 12 loups, en fait, c'est la femme de César, et qu'il y a 12 servantes qui sont en fait des hommes. Alors, la reine alors Merlin est libéré, et puis la reine et ses 12 amants sont tous brûlés. Donc, probablement que dans ce passage-là, c'est une reprise de ce motif, et c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, même s'il y a des lacunes, et ces lacunes sont peut-être... On sait qu'il y a des lacunes d'au moins un vers, parce que la rime manque, mais probablement que c'était plus grand... Et peut-être même, en fait, que certains passages très explicites ont pu être enlevés. Donc on dit, il n'y a pas cette dimension grivoise, peut-être qu'elle a été coupée, en fait. Parce qu'il y a dans le roman de Silence, c'est le moment où on va déshabiller publiquement Silence et la nonne, et puis, effectivement, vérifier leur anatomie. Donc, peut-être que en fait, il y avait quelque chose d'un peu plus cru à cet endroit-là. Et le roi dit à Silence, « Tu as été un chevalier accompli, plein de courage, de valeur et de bonté. » Jamais roi ni comte n'en engendra de meilleur. Donc explique-nous pourquoi tu t'es conduit de la sorte et dans quelles circonstances, parce que nous voyons bien que t'es une femme, et j'aimerais bien aussi que tu m'expliques pourquoi la reine a prétendu que tu voulais la violer, parce que du coup, ben voilà, on sait bien qu'une femme ne peut pas être active sexuellement, donc c'est physiquement impossible sans bitonio. Et Silence dit, mon père a décidé de mon sort, et lui explique justement qu'il pourrait pas conserver son héritage, elle pourrait pas conserver son héritage si elle vivait comme une fille. Et puis du coup, évidemment, le roi va abolir la règle, puisqu'il a prouvé que, voilà, finalement, Silence a prouvé que finalement une femme pouvait aussi bien être une... Ouais, le côté, je sais pas, le côté... C'est un peu bizarre comme raisonnement, parce que le problème des jumelles, c'était qu'elles avaient les deux une espèce de possibilité de réclamer l'héritage de leur père. On pourrait comprendre que les femmes, en général, vu qu'il n'y a pas d'hommes clairement définis dans la situation ou de droit d'aînesse, l'aînesse s'applique pas de la même façon entre les filles qui peuvent être à peu près équivalentes et qui peuvent faire des époux qui sont plus ou moins avantageux. On pourrait penser que c'est ça le raisonnement. Mais là, en l'occurrence, ouais, l'abolition de la règle s'explique pas tant, en fait. Est-ce que c'est parce que voilà, Silence a prouvé qu'une femme pourrait être une bonne duchesse, enfin, je sais pas, c'est assez curieux comme raisonnement qui lui permet de résoudre le problème. Alors après, bon, le twist, évidemment, c'est que vu que sa femme est maintenant exécutée, ce qui est rigolo, parce qu'on pourrait penser qu'il y aurait eu un changement de génération, un changement comme ça. Non, c'est le roi Hébin, il doit avoir au moins l'âge de son père, ou pas loin, et puis... Ou même plus, parce que Cador qu'il sert... Probablement plus, d'ailleurs. Il sert doit être il plus est présenté jeune comme plus jeune, effectivement. Et puis, on pourrait penser que ce serait le fils ou quelque chose comme ça. Puis d'autant que tout le début du roman, c'est sur l'histoire du mariage entre Euphème et le roi. Alors, on pourrait éventuellement penser que bon, il y aurait cette idée que voilà, vu qu'elle est étrangère, ou vu qu'elle est danoise, ou vu qu'elle a des circonstances un peu particulières, c'est ça qui justifie, disons, le fait que voilà, elle a des mœurs différentes. Mais c'est même pas mentionné spécifiquement. Et c'était même mentionné plutôt positivement, en fait. Donc, c'est pas très clair si. Ouais, le mariage, il était censé être un mariage idéal du temps jadis, donc on s'attendrait à ce que ce soit. Après, c'est un mariage qui n'est pas présenté comme un mariage d'amour. C'est présenté comme un mariage arrangé pour faire cesser une guerre. C'est donc ça. Peut-être qu'il y a une opposition entre les amants qui s'aiment spontanément, le coup de foudre, et puis ceux qui sont du coup faits pour des raisons politiques qui sont vues comme plus négativement. C'est ça. Alors après, c'est peut-être ça, c'est peut-être aussi simplement l'idée qu'il y a dans ce... Mais je sais pas, ça aurait été logique de sauter une génération, ouais. Que ce soit le fils de Desbains et sa femme, et ça aurait été assez... C'est logique si ça reprend le motif de Grisandole, parce que Grisandole, à la fin, elle prend aussi la place de la reine qui a été brûlée, et elle peut marier elle marie César, en fait. Donc il y a le même motif où, à la fin, le travestissement est démasquée, et puis elle épouse le roi, puis c'est ce qui se passe ici. L'ex-nonne est brûlée, la reine est écartelée. Toute façon, on nous dit la cour la détestait, de toute façon, c'était une mauvaise reine, elle était cruelle, et puis elle n'était pas très généreuse. Et puis du coup, le roi choisit Silence comme femme, ce qui est un peu bizarre, parce que justement, il lui dit « Ah, Silence, ta loyauté, c'est très important, puis tu sais, ce qui est important pour une femme, c'est de pas tromper les gens. » Puis t'es là, oui, mais ben, il y a quand même eu tromperie assez... Enfin, il y a quand même eu un travestissement assez... Donc, c'est un peu... La conclusion, elle part un peu dans tous les sens et on comprend pas exactement ce qui se passe, mais probablement qu'il faut y voir le fait que ça reprend un motif qui existait déjà et qu'il l'adapte plus ou moins à son histoire en limant un petit peu les numéros de série sans que ça marche toujours. Donc, tout le monde est très content de ce mariage. Mais la conclusion est très courte, c'est que leur joie fut grande à juste titre. Et puis là, Eldris place simplement sa petite conclusion où il dit « Il faut aimer davantage les honnêtes femmes que détester ou blâmer les méchantes parce que justement, elles ont moins de capacité parce qu'aller contre sa nature, c'est mieux si votre nature est inférieure que de suivre votre nature mauvaise, en fait. » Et il dit « J'ai lourdement critiqué Euphème, mais j'ai loué Silence encore plus. » Donc il a joué sur les deux tableaux, hein. Il y a des gentilles femmes, méchantes femmes. « Que les braves femmes n'en soient pas mécontentes, loin de prendre à leur compte le blâme qui pèse sur une autre, elles doivent s'efforcer davantage encore de faire le bien. » Et ici s'arrête le roman de Silence. Ouais, c'est peut-être le travestissement qui ajoute à ça, mais il y a cette idée un peu shakespearien, quoi, du rôle double de la... Parce que chez Shakespeare, il y a beaucoup de femmes déguisées en hommes qui sont en fait au théâtre jouées par des hommes. Donc il y a ce côté-là un peu qui est assez présent, et ça me fait un peu penser à l'épilogue de As You Like It, où justement l'acteur masculin à l'époque de Shakespeare qui joue... Rosaline revient sur scène pour présenter un épilogue comme ça qui présente aussi les hommes et les femmes de façon positionnelle. Donc le texte se finit un peu de façon abrupte, mais il y a quand même ce côté assez... ouais, c'est un peu étrange que ça finisse pas par explorer un petit peu plus quand même les implications. Je trouve ça un peu dommage, en fait, le récit, alors que le reste du récit est très très justement joue beaucoup avec ça. À la fin, c'est très très voilà, tout est bien qui finit bien, voilà, on a fini, allez, rentrez chez vous. Voilà, plus rien à dire. Il y a la question de si le récit a peut-être été un peu altéré, comme on l'a mentionné, mais c'est vrai qu'il suscite beaucoup les commentaires, parce que c'est vrai qu'il a une vision du genre, des rôles genrés, de la nature, de la culture, qui n'est pas complètement définie. Il y a beaucoup de questions qui sont en suspens. C'est pas entièrement clair ce que l'auteur pense vraiment. C'est-à-dire, il y a du positif, il y a du négatif, il y a des choses qui sont dépendent du contexte. C'est un peu embrouillé en plus, parce qu'il reprend des modèles, il les adapte. On ne sait pas exactement ce qu'il essaie de nous dire. Donc forcément, on peut essayer de démêler cette pelote de différentes façons. Donc ça se prête très bien aux commentaires. Comme on l'a dit, c'est vraiment, comme vous voyez, le sujet central, l'aventure centrale de ce texte. Mais d'une manière qui n'est pas très univoque. Disons, on a mentionné aussi sa misogynie, mais justement, il a une misogynie un petit peu... une misogynie très contrastée par rapport, si on pense, on va dire, au chevalier à l'épée, où on a des topos très, très crus, et puis là, il n'y a pas vraiment de doute sur le message de l'auteur. Là, ce n'est pas tout à fait clair. Oui, c'est ça. La misogynie est certes très présente, mais c'est pas cette misogynie, comme je disais avant, c'est pas cette misogynie caricaturale qui dit voilà, de toute façon, les femmes sont mauvaises, et puis elles sont bonnes qu'à faire ça, et puis il n'y a pas de. La transgression du genre ici n'est pas, du coup, vue. Alors, c'est un côté misogyne, parce que le genre féminin est largement négatif. Il y a le côté, voilà, Ève, pécheresse, et puis le côté masculin. Une femme masculine, c'est justement une femme positive, alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'une femme masculine soit, au contraire. D'ailleurs, il y en a eu. Une, c'est la nonne qui est présentée comme ça négativement, mais pour autant, dans le sens inverse, pour Silence, c'est pas négatif. Donc, c'est comme tu dis, c'est pas du tout. C'est un texte qui est très équivoque et qui a tendance à vraiment être très. Alors, ce que je dis, un peu dommage, c'est de façon abrupte, alors qu'on pourrait s'imaginer avoir une digression un peu intéressante. C'est aussi ce qui fait le sel du récit, quoi. C'est le côté. C'est ça qui rend ce récit quelque part bon à penser. Et ça, et le fait qu'il est agréable à lire, mine de rien. C'est pas justement ça que je trouve intéressant de lire un peu sur ce texte, des commentaires peut-être un peu plus intéressés par rapport au style quoi, de l'auteur, qui est quand même relativement particulier, à son côté vraiment, je sais pas, énigmatique, qui rend la chose relativement. Oui. Sont agréables à lire. Oui, je crois que je l'ai pas mentionné, mais dans l'édition bouquin, dans l'édition de la collection bouquin, c'est 90 pages, donc c'est des grandes pages, c'est pas du livre de poche, mais ça se lit quand même assez rapidement, je pense en deux heures, on a assez facilement fait le tour du roman. Il a un assez bon rythme, c'est vrai qu'on comprend pas toujours qu'est-ce que c'est ce prologue, quel rapport entre le prologue et le reste, ou Quel est le côté un peu, voilà, ouais. Quel est le point, enfin, quelque part ça se lit dans cette espèce de question des rôles genrés, et puis de pour mener le décor, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu plus laborieux, on ouais. Rend pas Silence à la première page comme on pourrait dans d'autres romans de chevalerie, ça c'est clair. Bon, qu'est-ce qu'on lui met comme note? Moi je trouve il est intéressant. Il a un côté assez inachevé dans sa. Est-ce qu'on met des notes? Oui, bien sûr, 4 étoiles sur 3 étoiles sur 5. Mais en tout cas. Non, comme tu dis, c'est un côté un peu. Pas, est-ce que c'est parce qu'il y a des coupes, ou est-ce que c'est parce que voilà, c'était une œuvre qui n'a pas été complètement. Peut-être que certains dialogues sur nature et nurture ont été ajoutés a posteriori, je ne sais pas. On pourrait penser que c'est aussi dans ce sens-là, quoi. Hein, que c'est quelque chose qui. C'est une matière. Par rapport à Grisandol, qui n'explore pas vraiment les implications. Grisandol est très, très. Alors bon, Grisandol, c'est aussi un épisode parmi. Parmi d'autres, hein, donc il n'y a pas ce côté, disons, il n'y a pas la place d'explorer autant en détail ce qui fait ici le sel du récit, mais peut-être que c'est justement une étape sur le chemin, et que si on trouvait un manuscrit plus récent, peut-être que ces questions auraient été explorées un peu plus en profondeur, je ne sais pas. Oui, et puis après c'est vrai qu'il y a un peu les interventions de Eldris qui nous parle un peu qui nous fait un peu le café du commerce, où il dit, bon, le tout début où il dit, ah, les avares, c'est pas terrible, il ferait mieux de me donner leur argent, parce qu'à quoi ça sert d'avoir de l'argent si tu l'utilises pas, ça vaut moins bien que le fumier, parce que le fumier, au moins, tu peux ensemencer les champs avec, alors que là, les hommes qui sont terribles. Bon, d'un côté, si tu n'utilises pas ton fumier non plus, enfin, il sent mauvais, puis il fait pas grand chose, donc le raisonnement, je suis pas entièrement sûr de. Ouais, sûr alors, c'est vrai. Alors, le talent rhétorique argumentaire de Eldris, c'est pas toujours au rendez-vous, mais c'est ça qui crée, c'est peut-être ça aussi qui crée un meilleur roman, parce qu'un roman univoque, il laisse moins de possibilités à peut-être roman, c'est qu'il présente des thèmes et des questions, et qui vous dit pas que c'est pas forcément un roman à thèse, quoi. Je crois que Proust a une phrase là-dessus où il dit il dit que voir la thèse centrale d'un roman, c'est comme voir l'étiquette du prix sur un objet. C'est quelque chose que t'es pas censé. C'est pas, ouais, sous ce rapport que t'es censé l'aborder, en fait. Alors là, c'est sûr que le roman n'est pas du tout. Il y a ce côté un peu. Oui, comme tu dis, qui fait le sel du roman, c'est vraiment son côté. Voilà, c'est ce qui fait le sel de la chose, c'est le fait qu'il soit pas particulièrement clair sur ses intentions. Voilà, donc un retour de Rex Condam, Rex Refuturus sur les chapeaux de roue avec ce roman qui, il faut le dire, est quand même assez particulier dans le paysage arthurien, connecté très profondément par son lien à l'histoire Regum Bretaniae et à la matière de Bretagne avec Merlin, plus que par la présence de la cour arthurienne qui là n'apparaît pas vraiment, mais qui est quand même très, très intéressant en termes dans le paysage de la littérature médiévale, et c'est toujours intéressant, et c'est toujours fou de se dire qu'on l'a par un seul manuscrit, donc on n'était pas passé loin de jamais l'avoir, en fait. Oui, le paysage de la critique arthurienne moderne serait quand même radicalement différent si on l'avait pas eu. Donc c'est ouais, comme d'habitude, hein, à quoi ça tient vraiment. Et sa radicalité serait même différente d'ailleurs. C'est ça. Pour parler en termes très académiques. Pour la prochaine fois, on ne sait pas encore tout à fait avec quoi on vous retrouvera. Peut-être un roman, aussi un roman arthurien. Peut-être plutôt un film. Notamment, il faut toujours qu'on vous parle de The Green Knight, qui est sorti l'année passée déjà, je crois. Ouais, peut-être qu'on réussira quand même à vous faire quelque chose avant Noël. Ce serait dans le thème que ce soit un épisode de Noël, donc peut-être que c'est là-dessus qu'on vous retrouvera. Ouais, on s'excuse effectivement de notre rythme de... Bon, on a quand même fait 2 épisodes cette année. Ouais. C'est plus qu'en 2021. Donc, peut-être qu'on va finir par en faire 3. Et après, on en fera un peu plus l'année prochaine, etc. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal d'aléas, effectivement, qui ont fait que, voilà, on est à un rythme un peu plus irrégulier. Mais aussi, on a fait l'essentiel. Il faut dire que maintenant, on cherche des récits un peu plus, obscurs, qui sont quand même plus. On est dans des terrains quand même moins explorés. Qui demande souvent plus de boulot aussi. C'est ça, donc c'est pas forcément un hasard si on met un peu plus de temps à y arriver. Il en reste quelques-uns, peut-être Durmart le Gallois, peut-être le Ivan en prose. Il faudra qu'on vous parle de toute façon des cycles entre guillemets tardifs, Séguron, Chevalier ou Dragon, mais là ça devient très très compliqué, c'est-à-dire que même les spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord de quelle est la meilleure manière de présenter le texte. Alors nous, qui abordons ça en amateur un petit peu éclairé, on va dire, on n'est pas non plus... D'un côté, on a fait le Tristan en prose, on peut tout faire. On peut tout faire. Bah oui, mais c'est presque... C'est encore plus compliqué parce que les gens ne sont pas d'accord de qu'est-ce qui est un roman, qu'est-ce qui est un cycle, qu'est-ce qui est... C'est-à-dire, est-ce que l'unité qu'on doit regarder, c'est Séguron et le Chevalier du Dragon? Est-ce que c'est tout l'ensemble de ce qu'on appelle les prophéties de Merlin? Bref, on va pas litiger le débat, mais c'est peut-être ça qu'on va aborder les prochaines fois. Et peut-être aussi des traditions de traduction qu'on n'a pas... On n'a pas beaucoup parlé des textes anglais, hein, à part l'Arman, parce qu'il est très ancien. On n'a pas beaucoup parlé des romances traduites en anglais au tournant du 14e siècle. Donc, c'est aussi une matière assez riche. Il y a aussi des cas un peu... Bah, on vous a parlé du Chevalier Vert, ce sera peut-être l'occasion de parler des deux un peu à la fois, quoi. Mais est-ce qu'il faudrait qu'on fasse un double épisode où on fait le... Ah, ça pourrait être une idée, tiens, un épisode où on fait Gauvin et le Chevalier Vert le texte, et un épisode où on fait Gauvin et le Chevalier Vert le bah, le film. C'est qu'on fasse 2 heures chaque épisode, et puis du coup... Bah ouais, mais c'est le moins qu'il le, c'est le moins qu'il le mérite, d'ailleurs. C'est un texte extrêmement dense, Gauvin et le Chevalier Vert. J'ai peur, si on te fait faire Gauvin et le Chevalier Vert, que tu nous fasses déjà 1 heure sur l'arrière-plan académique... L'édition. Il pourrait, hein, parce que Gauvin le Chevalier Vert, c'est le texte arthurien anglophone, hein, donc inévitablement, c'est celui qu'on. Encore plus de débats académiques et de considérations que chez Silence. Et il y a aussi le côté. Il y a aussi des côtés genrés. Hein, il a été très utilisé dans les. Il a aussi un rôle important dans les queer studies arthuriennes, donc il s'y prête. Par bien des aspects, donc je me réjouis d'en parler aussi avec vous et avec toi, Laïs. Voilà donc quelques pistes sur ce qu'on va aborder par la suite. On espère que vous étiez contents de nous retrouver, que ça vous a redonné envie de lire des romans arthuriens, peut-être d'acquérir ces nouveautés dont vous a parlé au début, peut-être aussi d'écouter ou de réécouter nos autres épisodes qui s'étendent sur de larges heures. En tout cas, on vous souhaite un bon début d'automne si vous nous écoutez en direct. Et on se réjouit de vous retrouver la prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas, la quête continue.